La table à l'instant. Ah merde. En poussant le bouton pour mettre à l'antenne, et en fait il a sauté, j'ai mis du sang partout. Voilà. T'es fait agresser par un bouton. Et je me suis fait. Non, super. Mais en fait, si tu veux, il y a une protection en plastique sur les boutons, et à l'intérieur, c'est une tige en fer piquante comme une aiguille, et il a sauté, mais... et du coup, j'ai rentré mon doigt dedans. Il faut se méfier de ça. Hein. La prochaine fois, je prendrai mes couilles pour bosser. Ah oui, comme ça, au cas où j'aurais une couille coupée. C'est sur cette belle blague qu'on va commencer. Oui, c'est classe. Voilà, bonsoir Aude, comment ça va Aude? Salut Guillaume, salut tout le monde. Ça va la journée, ouais? Ouais, au top. T'as fait quoi? J'ai mangé McDo. Merci. Comme tous les jours. Elle va bien finir celle-là. Mais franchement. C'est vrai, ouais. C'est vrai, t'as bouffé McDo, ouais. Ouais, ouais, bah il est à côté de moi là. Mais c'est-à-dire, c'est ton unique journée le McDo? Ouais. Bah aujourd'hui, j'ai pas fait grand-chose. Ouais, très bien. Bah, mets-toi, sympa. Hein, mets-toi à l'aise alors. Mais là, j'ai rien foutre à McDo. C'est un peu le début des vacances. Bah, ah, tu oui, vas grossir. Là, ça sent les vacances. Bah oui, on est combien? On est le 27 juin, on est en direct. Hein, c'est important, ouais. C'est important à préciser. Il y a eu du foot, il y a eu un truc aujourd'hui. Il y a François de Rugy qui a été nommé président de l'Assemblée nationale. Voilà. Voilà. C'est juste pour prouver qu'on est en direct. Voilà, il c'est pas que ça nous intéresse. On s'en fout, mais d'habitude, il me donne des infos un peu jeunes. Désolé, il y a que ça là. Alors attends, Jordan Lapronti, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, si, il y a un joueur de foot de l'équipe de France qui s'est fait arrêter aussi. Ah, il y a quoi? Kingsley Coman. Ah bah apparemment oui, il a frappé sur sa meuf. Oui, bon c'est. Ah bah c'est grave. Ouais, bah, ouais c'est grave. C'est ouais. Attends, merci Jordan Lapronti. Oui, il y en a qui parle de du président de l'Assemblée. Alors, il s'écoute sur LCP, la chaîne parlementaire. Bonsoir Florian Cadeau. Salut Guillaume, salut tout le monde. Ça va bien? Ouais, ça va tranquille. On a récupéré les cadeaux, on a encore des drones. Ouais, il y a des drones, des DJI Phantom 3 et des séjours à Disney aussi. Ok, très bien. Séjour à Disney. Ah ouais. Oui, les DJI Phantom 3, on vous les file encore à l'occasion de la sortie d'un film. Je crois que c'était Transformers. The Last Night avec Mark Wahlberg qui sort demain. Du coup, on file les drones. Voilà, les Phantom 3 qui déchirent. J'aurai des week-ends à vous filer pour aller à Disney aussi. S'il y en a qui veulent aller à Disney avec votre meuf, avec votre mec, bah, vous pourrez partir deux jours. Du coup, avec en plus les rencontres avec le DJ qui s'appelle Steve Aoki. Ouais, on file ça après là. J'ai toujours l'impression de dire merci quand je dis Steve Aoki. Ou le poisson aussi. C'est quoi? Le pavé d'Aoki, c'est du poisson. Ah, c'est un plat qui se mange. Putain, il a raison. Tu vois, le pavé d'Aoki. Il est bon. Il y a des fois, il a des lumières. Ah ouais, il a des concurrences, le mec, il nous sort des trucs. Bah, je suis là pour ça. Hein. Bonsoir, demain je pars aux États-Unis. Pouvez-vous me parler de votre expérience des avions? Je stresse. Ah ouais, bah, je comprends, ouais. Bah ouais, ouais. Ah, putain, en plus, tu te fais pas un petit voyage pour commencer. Hein. Ah ouais. Prends des médicaments. Tu peux nous laisser ton numéro si tu veux. Là. On va parler des. Avion, malade ou pas malade? J'adore, moi je dors. Moi. Musique, je dors, je suis à l'aise, moi. Aude, malade ou pas malade? Je suis pas fan de l'avion. Ah, c'est vrai? Ouais, non, c'est-à-dire quoi, tu vomites et. Non, je vomis pas, mais je suis vachement stressée en fait. Je deviens verte. Elle déchire le siège. Non, c'est vrai, j'ai un peu peur de l'avion. Ouais, ah ouais. Je peux le prendre, ça me dérange pas, mais je suis pas sereine. Ouais, c'est pas ton délire. Ouais, c'est pas Jordan Lapronti, avion, pas avion, non. Ouais, je kiffe. C'est, ah, c'est vrai. C'est le moyen de transport que je kiffe. Ah bon? T'es en l'air et tout, t'es dans un monde un peu chelou. Alors l'autre dit l'autre prend de la drogue en prenant l'avion. C'est illégal. C'est PNL. Ah, il écoute du PNL en même temps. Aïe aïe aïe, putain, je vais niquer ces putains de moustiques à Isagrat. Et d'ailleurs, dédicace à mon frère Ilan qui s'est fait bouffer. Alors ouais, ils en ont parlé aux infos. Il paraît qu'il y a les conditions idéales depuis 3 semaines pour la naissance de moustiques. Ah bah merde. Et ils sont nés hier et aujourd'hui. Bah faut les tuer, hein. Et qu'il y a des régions, il paraît que c'est épouvantable. Mais genre vraiment, j'ai vu des vidéos. Il y a un mec qui s'assoit à une terrasse, t'as en une minute 150 moustiques sur lui. Bah tu prends une tapette et tu les tues. Non, c'est-à-dire que tu peux même pas rester dehors. Tu peux pas. C'est-à-dire que ça devient. En fait, on se rend pas compte, hein, mais en fait, un moustique, bah, mais tu peux faire que ça de ta soirée. Bah, en fait, et en fait, il montrait sur BFM TV tout à l'heure, et le mec il s'asseyait, et pff, le mec il devenait noir en 10 secondes, quoi. Mais je sais plus, alors dites-moi dans quelle région vous êtes, là où il y a des moustiques de partout, mais pareil, c'est vraiment une galère, quoi. Bah là, ça va chez nous. On se fera les nouveautés tout à l'heure, Soprano. Dédicace à la classe de la 5ème 7 de Salagou. Bonsoir à tout le monde. Salut. Dédicace à 5ème 3 du collège Chris Roy à Tours qui sont en vacances aujourd'hui. Bonsoir à tout le monde. Moi j'ai plié des parasols sous la pluie. Merci le boulot de serveur. Bonsoir à tout le monde aussi. Bon courage. Merci pour la vidéo que t'as fait pour moi devant la radio avec Lou. Ah oui, c'est une fille qui me voit qui m'a passé au portable. J'ai fait une vidéo pour Thibaut Play. Bonsoir à toi. Exactement, elle m'a demandé tout à l'heure. Je suis jamais allé à Disneyland. J'ai 18 ans. Mes parents m'ont toujours promis mais ne m'ont jamais emmené. Ah. Vous êtes mon seul espoir. Salut Stacy. Bisous. Eh ben, on va vous filer des places. On va vous filer des drones DJI, des places pour aller à Disney et puis vos dédicaces, vous pouvez y aller. Hein. Guillaume et votre message aussi, 112 là. Ça fait plaisir de vous retrouver ce soir, mes RIP, RIP à Montel qui est tombé, la moitié de l'écran est fissuré. J'ai peur de le dire à ma mère. Bah, ça arrive. Il y a Stéphane Paille, ancien attaquant français de foot. Il était pas très connu, mais il est décédé aujourd'hui. Ouais. 52 ans. Il n'y avait pas un acteur aussi qui était en coma hier là? Non, c'est un chanteur. Herbert Léonard. Herbert Léonard. Pour le plaisir, il chantait, il est toujours dans le coma. Ah ouais, depuis le jour. C'est pour vous prouver qu'on est en direct, hein, vraiment. Salut à cerf d'aigle de Poudlard, Il y en a qui s'est... Hey, balancez vos dédicaces, les gars. Guillaume et le message aussi. Ils sont 12. Tout à l'heure, on aura. Alors, on a deux invités ce soir. On a Fabien Olicard qui est. Fabien Olicard qui fait des... du mentalisme. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec un spectacle et tout ça. Mais il a sorti un livre qui est assez marrant. Qui, genre, il sort des trucs et tout. Il a notre âge. C'est assez marrant à faire. Ah, il est fort en plus. Donc, il va essayer de nous niquer tout à l'heure. Ça va. On fera des jeux comme ça tous ensemble. On a aussi avant ses deux frères, Flo des cadeaux. Ouais, c'est les French Twins. Ils s'appellent Tony et Jordan en vrai. Et c'est les frères jumeaux. Les Français jumeaux, quoi. Et ils sont fait repérer dans America's Got Talent. Exactement. En fait, ils sont fait repérer dans. Ils sont fait repérer en France dans Incroyable Talent. Et vu qu'ils sont arrivés en finale, ils sont partis aux États-Unis faire America's Got Talent. Et en fait, ils sont arrivés hyper loin. Mais enfin, c'est diffusion en cours. Leur vidéo, elle a fait 150 millions de vues. Combien ? Ouais, quand même, c'est énorme. Leur spectacle et tout. Et en fait, on les a rencontrés l'autre jour dans la rue par hasard avec Jamel Debbouze. Ouais, et en fait, on leur a dit bah, attends, tu sais quoi, on a Fabien Olicard. Ouais. Venez mardi, on va rigoler. Et ils sont là. Et les mecs, ils vont nous faire des expériences à distance et tout. Donc, vous ferez chez vous. C'est et magicien. Voilà, on va rigoler toute la soirée. On se fera Soprano, on se fera Julia Michael. On s'écoute en entier. Et DJ Khaled. DJ Khaled avec Rihanna. Et Nicolas qui est là du coup. Nicolas, 23 ans, premier de la soirée. Ça va, Nico? Vous allez bien? Vous allez bien? Salut. Enchanté. Salut, Nico. Ça va, mon con? Ouais, bienvenue. Merci d'appeler, en tout cas. Ouais, pas de soucis. C'est super plaisir et tout. Alors, toi, tu voulais réagir, Nico. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Nicolas? Bah, il fait rien. Ouais, c'est bien. Il a raison. Un beau métier. Il a raison. Voilà. Il fait rien, c'est-à-dire quand même, il s'occupe un petit peu les mains quand même. Ouais, non. Enfin, je cherche du travail, mais voilà, c'est tout. Ouais, d'accord, ok. Peut-être nous dire dans quel domaine. Il est mystérieux là. Un petit peu se confier. Ouais, on va se chuchoter tous les deux dans l'oreille. Ouais, y'a pas de soucis. Avec un œil. Ah ouais. Oh, non. Avec un œil fermé. Un peu mielleux, tu sais. Ouais, du coup, dans l'informatique. Ah, bah voilà, t'as vu quand on le dit, on se sent mieux après. C'est comme quand on a tué quelqu'un, faut mieux le dire. Sinon, de le garder sur soi, on se sent mal après. Non, mais c'est vrai, tout à fait, on a pas raison. Mais c'est vrai, tous les soirs à 6h du matin, on va se faire arrêter, faut mieux le dire. Mais oui. Jimon, c'est interdit évidemment. De tuer, ouais. Salut, aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai 16 ans, je viens stagiaire, peux-tu me chanter un joyeux anniversaire, mort de rire. Bah, bon anniversaire. Je sais pas si c'est un cadeau qui te chante joyeux anniversaire. Ah, mais je peux te le dire comme ça. Mais bon anniversaire. Voilà. Plein de bonheur. Bonne soirée à toute l'équipe, gros bisous, salut Manon de Saint-Quentin, salut Manon de Saint-Quentin. Salut Manon. J'ai eu mon brevet, tu crois que ça va suffire au talent, salut mon con aussi. Tacos in the bag, salut les gars. J'étais en arrêt la semaine dernière. Salut Ben le routier, bah vas-y, bah, c'est reparti du coup Ben le routier. À la troisième A de Sainte-Sigolène, si salut à tout le monde. Une dédicace à ma tub, voilà, plein de messages qui arrivent. Ah bien. Plus ou moins élégant, mais il y a plein de messages qui arrivent. Alors Nico, le belge, Nico qui cherche. Un boulot dans l'informatique. Tu sors avec une personne, il t'est arrivé un truc un peu ouf, quoi. Ouais. Ah, c'est à moi, là. Non, tu peux ne jamais parler. Tu peux ne jamais parler. Et je vais essayer un peu parler à ta place. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, Nicolas? Alors, en fait, je suis parti en vacances avec ma meuf et elle est partie du jour au lendemain. Parce qu'en fait, j'étais plus beau pour elle parce que j'avais de la barbe qui poussait. Et du coup, je commence à avoir des poux, ça m'a démangé. Et là, il y a un apiculteur qui me drague. Du coup, je le suis, je vais voir les abeilles. Tu vois, c'est mieux que tu l'expliques, Nicolas. Ah, c'est le bordel. Parce que c'est une histoire de réponse. Ça va pas être clair. Mais oui. Simple, hein. Alors, je préfère couper le micro et puis t'écouter parler. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Nicolas, avec cette fille-là? Apparemment, un truc de fou. Ben voilà, c'est simple. Enfin, c'est simple. Je suis sorti pendant 2 ans avec une fille en relation virtuelle, donc par internet. Ah ouais. On ne s'est jamais rencontré. 2 ans de relation virtuelle. Ah, tu l'as pas vu en fait. Franchement, ouais, c'est très long. Et je ne l'ai jamais rencontré. J'avais 21 ans. Et comment à 21 ans, à moins qu'elle habite en Australie, et encore pendant 2 ans, tu restes en relation virtuelle. Pourquoi elle habitait où? T'habitais en Belgique, elle habitait où? Elle habite en France, dans le sud, à Biarritz. D'accord, ok. Ah oui, en Belgique. Ouais, mais d'accord, mais t'as 21 ans, en 2 ans, t'as quand même une occasion donnée de faire du stop. L'avion, le train. Non, mais bien sûr, attends. Oui. Et pourquoi t'y es pas allé d'ailleurs? Tu l'as rencontré où? Attends, on va commencer par la base. Tu l'as rencontré où, la meuf? Dans les jeux vidéo, sur internet. Ah oui, d'accord. À quel jeu? Minecraft. Ah oui, d'accord. Okay. Ouais, donc tu joues à Minecraft. Elle, c'était une gameuse aussi? Ouais. C'est une question bête, mais t'étais sûr que c'était une fille? Enfin, tu l'as déjà parlé? Ouais, on s'était déjà parlé. Speak, voilà. Ouais, mais d'accord, mais tu as déjà fait des FaceTime, tu l'as déjà vu, des Skype, t'as déjà vu sa tête? Oui, Skype tous les jours, on s'endormait sur Skype avec la caméra et tout ça. Enfin, voilà. Oh là là, le lover. Mignon. Ouais. Le lover 2.0. Ouais, c'est clair. Jordan l'apprenti, t'as quel âge toi? 21 ans. T'as déjà une relation virtuelle, t'avais l'âge qu'il avait quand il y a 2 ans quand il était avec sa meuf. Ouais, non, moi je pourrais pas, j'ai besoin de contact à un moment. Non, mais moi ça m'est déjà arrivé à l'époque de rencontrer des meufs sur les chats, mais en parler et tout, mais pas de rester avec. Pas 2 ans. Ça dure jamais très longtemps en fait. Oui, voilà, c'est ça. T'as besoin de voir la personne, bah ouais. T'as besoin de faire un truc quoi. T'as besoin de la toucher un peu. Voilà. Et alors, elles ont y aller et t'as jamais eu du tout de relation virtuelle? Des petits trucs de 2-3 mois, et puis après, si on se voyait pas, je disais, bah à un moment donné, voilà, on sait bien, c'est bien de s'endormir sur Skype, je faisais pareil. Mais bon, si on peut pas se voir après, ça n'y arrive pas, c'est compliqué. Ouais, au bout d'un moment, il faut vraiment que ça. Ah ouais. Ou alors, elle est magnifique et elle est exceptionnelle. Ouais, mais elle est magnifique, justement, moi je vais la voir. Hein. Bah oui, ou alors il y a une couille. Hein, mais non, mais ouais, si la meuf, elle est magnifique et tu la touches pas, moi au bout d'un moment, je me dis, c'est une couille. Quoi. Ouais, il faut y aller à un moment donné. En fait, ouais. Moi j'ai très très peur, et moi je passe pour un parano là. Et attends, mais là, par exemple, là, moi ça me fait rire, je m'en fous et tout, mais là, il y a une fille qui est venue me parler sur Instagram. Ah oui. Et tu sais, moi je demande rien. Attends, non, mais. Il y en a des chelous. Non mais là on monte d'un cran là, ça y est. Pourquoi? La meuf elle a 45 000 abonnés. Zéro, ah. Non, 45 000 abonnés, zéro abonnement. Ah. C'est-à-dire qu'elle n'est abonnée à personne et elle est. C'est une américaine quoi. Elle a acheté les abonnés. Mais, hein. Non, mais regarde, attends, Flo et Kado, regarde. Toi, tu te dis, c'est Kim Kardashian. Bizarre. Ouais, c'est Kim, exactement, c'est Kim Kardashian. Mais elle a pas d'amis, c'est bizarre et tout. Et la meuf, elle m'écrit: salut, ça va, je t'adore, je t'écoute tous les soirs, ça ferait plaisir de te connaître. Et moi, je mets lol, lol le fake. Et la meuf, elle me dit: mais pourquoi ça et tout. Je fais: mais meuf, enfin, je lui dis, me cherche pas, j'ai autre chose à branler, bis, tu as bien fait rire. Et là, elle m'envoie son numéro de téléphone, il me dit: bah, appelle, tu verras si je suis une fake. Et en fait, quand les meufs, elles sont: bah non, mais je l'ai pas appelé. Bah, appelle-la. Je dis: ah, imagine, si c'est pas une fake. Moi, je l'appelle. Et moi, je trouve ça bizarre quand même, Flo des cadeaux. Mais toi, des fois, ça t'arrive sur les jeux vidéo, quand tu mets Guillaume Play, il y en a qui te croient pas que c'est toi. Ouais, moi, je me fais insulter à longueur de journée. Non, mais donc ça se trouve, tu fais pareil du coup. Et ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais elle a zéro sur ton Instagram, c'est chaud quand même. Mais moi, j'ai joué à un jeu sur portable. Tu joues un petit peu à des jeux à part Minecraft, Nicolas, ou pas? Ouais, League of Legends. Ouais, alors. Battlefield 4, voilà. Ah ouais, tu joues pas sur téléphone? Non, je suis pas très téléphone. Non. Bah, je comprends. Mais moi, c'est vrai que j'ai un jeu là qui est comme Call of sur portable qui s'appelle Critical OPS et en fait, j'y joue tout le temps. Aude y joue aussi. Ouais, j'y joue moi. Et faisait la belle genre. Ah bah d'ailleurs, alors attends, on a un truc à raconter en commun. Ah oui, ah ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, elle a fait la belle hier à l'émission en disant: je te démonte et tout ça. Ça va, je suis pas nulle. Et du coup, nous avons fait deux parties. Non, mais je suis pas nulle, c'est vrai. Je vais pas vous mentir, je mangeais en même temps, j'étais un peu en moyen. Non, n'importe quoi. Je suis arrivé deuxième de la map. C'est vrai, j'étais deuxième. Oui, mais elle est arrivée avant dernière. Non, non, parce que, non. J'ai des screens. Alors, d'accord, mais sur les deux parties, non. Voilà. Après, on s'est fait un contre un. Alors, et je t'ai démonté quand même. Si. Il était en train de manger. Non, mais je voudrais juste savoir, Aude, est-ce que tu es sérieuse ou c'est une blague mal placée? Tu rigoles ou quoi? Je suis pas nulle quand alors, même. Je vous propose. Elle a dit qu'elle t'a battue. Non, mais parce que j'allais au couteau dans un jeu. Mais attends, mais moi aussi, je suis allée au couteau aussi. Parce que Aude, en fait, elle est mignonne, mais en fait, elle tire en l'air. Quoi? Et elle a passé la partie. Elle a passé la partie à me tirer dans le plafond. C'est pas vrai. Et à un moment donné, moi, mon délire, c'était d'y aller au couteau. En fait, elle est nulle. Alors, je vous propose, je referai une partie avec Aude. Ok. Mais sans rigoler, un contrat. Et je ferai un screen de mon portable. Vas-y. Et je ferai une impression d'écran sur les scores et je vous montrerai. Ok. Il y a un jeu live. Voilà. Et on peut pas faire de live. Non, ah, dommage. Vous avez des idées de vacances pour partir tout seul en France? Ah, c'est une bonne idée. Ça. On va t'appeler le 5-5. T'as le message. Ouais. Qui vient d'arriver. Avec plaisir, copain. Je vais te passer un petit coup de fil. Je viens de voir Baywatch aussi, là, c'est bien marrant, salut à toi. Salut l'équipe, elle non, on n'a pas de moustiques, mais qu'est-ce qu'on a comme vache, nous, chez nous, en Normandie, c'est une nounours. Salut les nounours. Big up, salut. Big up. J'étais, salut à 3ème A, dans 2 jours, il y a le brevet. Bah, bon courage à vous tous, ouais, les gars, on est ensemble, hein, vous inquiétez pas, si vous voulez passer, nous raconter, vous êtes à la maison. Et donc, Nicolas, t'es sorti avec une meuf pendant 2 ans que t'avais jamais vue, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Eh ben. Elle a décidé de me faire un petit ultimatum, c'est-à-dire que ces grandes vacances, si on devait se rencontrer, sinon c'était fini. Eh bah, je comprends. Bah oui, bah, non, mais c'est normal. Elle a quel âge, la meuf, Nico? Elle est un peu plus jeune que moi. C'est-à-dire? Voilà. 17 ans. 17 ans. Donc tu l'as connu là avec 15 ans. Très bien, ouais. Exactement. 21-15, bon, 21-15, c'est limite. Ouais, c'est ouais. Mais illégal, mais. Bon, je ne juge pas le score de basket. Vous comprenez pourquoi on ne s'est pas vu avant, quoi. Non, mais c'est pas de problème, attends. Et donc, en gros, après, moi, je comprends qu'à 21 ans, tu puisses tomber amoureux d'une meuf dans la rue qui est très belle et tu sais pas qu'elle a 15, t'as 21. Bon, voilà, après, c'est un peu limite, voilà. Bon, bref. Et alors, chacun pense ce qu'il veut, on juge pas. Nico, en gros, elle avait 15 à 21. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ouais, ben bah, du coup ici j'ai demandé 1000 euros à ma mère à prêter pour pouvoir partir en vacances du côté de chez elle. Ouais. Pour la rencontrer. D'accord. Voilà, jusque là tout se passe bien. Sauf que à peu près une semaine après avoir réservé le billet d'avion et l'hôtel, elle m'a trompé. Voilà. Ouais. Et t'as trompé, sur Minecraft ou t'as trompé dans ce jeu? Et t'as trompé comment? Non, elle m'a trompé à l'anniversaire d'une de ses amies, et voilà quoi. Ouais. En vrai donc. Ouais, en vrai? Elle a couché avec un mec. Mais genre, elle s'est pris un coup de tub et tout, ou juste un bisou? J'ai pas eu les détails, mais elle a fini avec des suissons, elle se fait tripoter la poitrine et ce genre de choses, quoi. Ah ouais, voilà. Alors que toi, tu galères depuis deux ans. C'est trompé. Ouais. Voilà. Bah, disons que ça fait deux ans que tu l'as pas vu. Attends, et tu veux y aller, du coup, tu vas plus? Ben, en fait, je peux pas annuler mon voyage. Mais comment tu sais qu'elle du t'a coup, trompé? Je suis obligé d'y aller. Elle me l'a dit et j'avais son Facebook, j'ai vu des conversations, des photos et voilà. Ah, mais elle est pas maline. Bah, elle est conne, oui. Elle est très jolie ou pas plus que ça? Bah, elle est normale, mais bon. Mais tu l'aimes. Je suis pas difficile, on va dire. Ah ouais, ouais, bah j'imagine. Il faut que tu la vois. Attends, bah, moi par exemple, je la trouvais jolie, mais d'autres personnes qui ne la trouvaient pas spécialement jolie. Attends, quoi. Mais toi, t'as 23 ans, genre, t'as eu des meufs avant ou c'est ta première? Ah non, j'ai eu d'autres meufs avant, mais bon. Ouais. Mais en vrai ou en faux? En vrai. En vrai, ouais. Ah ouais, ça doit te faire bizarre. Et tu l'as jamais trompé parce qu'en fait, finalement, tu l'as jamais vue, donc c'est pas grave. Si. Ah ouais. Bah voilà. Tu lui reproches de l'avoir trompé alors que tu l'as trompé aussi, quoi. Bah mature, là partout. Hein. Ah ouais. Mais c'est pas vraiment ça, c'est-à-dire que je lui avais demandé l'autorisation. Elle m'a dit oui. Mais t'as 23 balais, c'est quoi ce couple? C'est pareil. Excuse-moi, c'est un couple, il y a Pascal le grand frère qui va arriver. Non mais attends, il faut que tu te fasses un vrai couple, mon Nico. On l'a qu'une, ça va. Tu te cherches du boulot dans l'informatique, tu vas te ressaisir un petit peu, tu vas aller trouver une gonzesse en Belgique à 100 mètres de chez toi, tu vas vivre avec, tu vas arriver avec, tu vas sortir en boîte avec, tu auras des potes avec, et puis voilà, tu vas arrêter les conneries là. Ah ouais, attends, c'est une meuf sur Minecraft à 800 bornes, on va se dire les vraies choses. Non mais en plus, tu l'as vu, tu as pas vu. Tu as demandé l'autorisation d'aller qu'il y a d'une meuf, tu veux pas qu'il ait un suçon, ça veut rien dire. Là, ça marchera jamais. Hein. Et Nico, on dirait une histoire d'un mec de 4 ans qui a écrit une histoire. Alors, il y a la fille qui a un suçon, le mec il fait un bisou à une autre fille parce qu'il a le droit. Non, mais là, il faut que tu te stabilises, mon Nico. Va l'avoir au pire. Parfois, il faut se ressaisir, mon Nico. Et là, il est l'heure. Il est l'heure de se ressaisir. Il est l'heure de se dire, Nico. La cloche a sonné, le glas a sonné, Nico. On arrête les conneries, Nico, et on va revoir sa gonzesse, on lui fait un bisou. Oui. Voilà. On va en boîte à côté de chez soi, Nico. On cherche une meuf un peu facile. T'empêches au plaisir. Dans quelques mois, on se stabilise, Nico. Tu fais du sale un peu, c'est bien. Mais oui, évidemment, la fille la plus bourrée de la boîte, Nico. Eh ouais. T'es sûr de pas te faire refouler à 5h du matin. Ça sera peut-être celle qui aura effectivement un herpès, c'est pas grave. Tu te protèges. Tu l'embrasses, avec un masque. Mais oui. Un bonnet, fais ce que tu veux. Non, mais c'est vrai, tu vois ce que je veux dire, Nico. T'as bien un pote qui a une petite sœur, Nico. Mais oui. Non, mais une petite sœur de 18-19 ans. Qui t'aime bien. Voilà. Belle-mère. Voilà, exactement. Tu vas voir ton meilleur pote, il a bien une maman. Mec, il va te plus en plus. Non, mais tu vois ce que tu veux dire, Nico. Tu peux toujours trouver, mon Nico. Quand on veut, on peut. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut se ressaisir à ce niveau-là. Toi. Est-ce que vous êtes déjà sorti, ça c'est intéressant comme sujet, vous les mecs et vous les filles, avec quelqu'un que vous connaissiez pas? C'est-à-dire, est-ce que ça vous est déjà arrivé de sortir avec quelqu'un et finalement vous avez découvert que c'était complètement une autre personne au final? Ouais. Genre, vous avez eu une relation avec une meuf pendant 2 mois. Et vous avez appris après qu'elle était maman. Et vous êtes allé chez elle un jour, il y avait un enfant, alors vous n'aviez pas rendez-vous. Et en fait, il y avait son ex-copain qui a ramené un enfant et vous ne l'avez pas dit pour ne pas vous faire fuir. Ah, c'est chaud. Est-ce que vous êtes déjà sorti avec quelqu'un que vous ne connaissiez pas? Je viens de stagiaire. Bah, en fait, j'étais sorti avec une meuf qui m'a dit que ses parents étaient morts. Et je suis sûr que c'est vrai. Donc, moi, franchement, franchement, pourquoi on rigole pas avec ça. Moi, je dirais ça pour entrer là. Moi, je les attire un peu, les meufs un peu chelous, tu vois. Après, moi, des fois, je suis chelou aussi, mais là, franchement, j'ai trouvé meilleur que moi. Non, t'es pas chelou. Non, mais dans ce que je peux dire, on les blague, tu vois. Et en fait, j'étais chez elle et j'ai appris que ses parents étaient encore là, quoi. Il s'est juste divorcé, elle les aimait plus, en fait, elle leur parlait plus trop, et voilà. C'est pas vrai. Ah ouais. Pour elle, en fait, ils sont morts, mais pas morts vraiment, tu vois, mais ils sont morts dans sa, dans sa tête. C'est très très glauque. Et ouais. Elle dit aux autres qu'ils sont morts. Prévenir. C'est vrai. Et franchement, mais j'ai vu des photos, j'ai posé des questions, elle m'a dit non, ils habitent en France, enfin, ils sont vivants, mais. Pas bien. Je les vois plus, quoi. La vache, c'est chaud. Ils sont morts pour elle, mais voilà. Bon, on se fera Soprano après, on va parler, on va s'écouter Louane. Et sur Instagram, je vous mets toutes les photos de l'émission si vous allez voir. Guillaume Play, PLEY, on est 675 000 abonnés là sur Insta. Guillaume Play, PLEY, Louane, on était beau. Et on prend toutes vos réactions. Est-ce que vous êtes déjà sorti avec une personne que vous connaissiez, vous pensiez connaître et pas du tout en fait? Guillaume et le texto au 612. Jeu du couille ou pas couille après. On va retrouver Fabien Olicard, ouais, qui est mentaliste. On va rigoler avec sur Énergie. Sur les trottoirs, je pense à toi. Sur les boulevards, je pense à toi. Dans la nuit noire, je pense à toi. Même s'il est tard. Sous les réverbères, je pense à toi. Dans la lumière, je pense à toi. Tous les hémisphères, je pense à toi. Sous la poussière, on était beau. Pourtant, on accélérait sans fin. On s'aimait trop pour s'aimer bien. On était beau souvent. Quand on souriait pour rien. On s'aimait trop pour s'aimer bien. Je suis désolée, je pense à toi. Presque obsédée, je pense à toi. Dépossédée, je pense à toi. Trop fatiguée. Sur toutes les routes, je pense à toi. Si je m'écoute, je pense à toi. L'ombre d'un doute, je pense à toi. Je me dégoûte, on était beau. Pourtant, on accélérait sans fin. On s'aimait trop. J'étouffe, je pense à toi. Quand je découche, je pense à toi. Je perds mon souffle, je pense à toi. Au bord du gouffre. Encore un soir, je pense à toi. J'ai le cafard, je pense à toi. Dans le brouillard, je pense à toi. Je peux pas y croire, on était beau. Pourtant, on accélérait sans fin. On s'aimait trop pour s'aimer bien. On était avec Louane là sur Énergie, on était beau. Avec Louane, bonne soirée les gars. Guillaume Radio 2.0, DJ Khaled, Justin Bieber, on se le cale après. Et on se fera aussi DJ Khaled avec celui-là. Ah non, ce sera pas du tout celui-là, pardon. Je vais si tu veux, on va le faire. Non, c'est Ritza qu'on se fait après. Mamma mia. Oh mamma mia. On se le calera dans deux minutes. On va parler des fois si vous êtes déjà sorti avec une personne que vous pensiez connaître et pas du tout. Guillaume et le texto au 6-11-12. Avec votre numéro, je vous appelle direct sur Énergie. À Los Angeles, assistez à l'avant-première de Valérian et la cité des mille planètes. En présence de Rihanna. This is Rihanna. NRJ, my favorite radio station. Pour jouer, inscrivez-vous vite sur l'appli Énergie ou sur énergie.fr. Et à tout moment de la journée, si on vous appelle en direct, répétez la phrase Énergie. La radio de Rihanna, c'est Énergie. Surtout, retenez-la bien. Cette phrase vous permet de partir à Los Angeles. Assister à l'avant-première mondiale du nouveau film de Luc Besson. En présence de l'équipe du film. C'est à tout moment de la journée. C'est la phrase Énergie. Transformers The Last Night. C'est né comme une légende. La plus grande de toutes. Anthony Hopkins, Mark Wahlberg, dans le plus gros blockbuster de tous les temps. Deux mondes s'affrontent, un seul va survivre. Transformers The Last Night. Je veux rester et me battre. Demain au cinéma, avec énergie. Comme Spider-Man, il a des pouvoirs qu'il ne soupçonnait pas. Comme lui, il a des réflexes, des sensations que les autres n'ont pas. Comme Spider-Man, il sauve des vies. Il, c'est Sam.

c'est ta nouvelle moto sur ton compte Facebook, Guillaume. Ce serait super cool de parler de moto ce soir. Salut Anthony de Nancy. Je pense que c'est un profil fake. Parce que j'ai pas posté de photo de moto depuis longtemps, frérot. Donc je pense que c'est de la couille. Salut, dans deux jours, il y a le brevet. Ouais, je sais, si vous voulez en parler, les mecs, on est à la maison ici. Hein, vous envoyez Guillaume au début. Et votre message, votre dédicace à l'antenne, si vous voulez venir réagir aussi, si vous voulez venir parler de ce que vous voulez, vous êtes à la maison, on parlera de cul tout à l'heure aussi. On aura Fabien Licard. Fabien Licard qui est mentaliste, il va venir faire deux, trois expériences avec qui sort un livre. Et on aura les French Twins. Ouais, c'est ça, Tony et Jordan. Ouais, ça, c'est deux mecs en fait qui font des. Mais franchement, ils sont bluffants. Ils sont hyper forts. C'est quoi leur métier en fait? Parce que moi, je les ai vus à France, c'est un incroyable talent. Et ils sont partis aux États-Unis, les mecs, ils ont fait 150 millions de vues sur la vidéo. C'est des magiciens, ils sont magiciens. Ils vont nous faire des trucs à distance et tout, ça va être énorme. J'ai pris l'avion pour aller voir mes parents en Nouvelle-Calédonie. Et j'ai pris une cuite dans l'avion, j'ai pas vu le trajet jusqu'à ma première escale. Salut Cédric du 85. T'arrives bourré après. Gros bisous à ma fille Jade qui est malade, à sa maman Juju, à mon fils Louis. Je vous aime dur de pas les voir de la semaine. Salut Alex le routier. Bonne route. Ouais. Bonsoir à toi. On vous capte plus chez nous à Nîmes, c'est la tempête. Salut à toi. Ah et putain, bon courage. Ah, j'ai vu qu'il y avait sur Bordeaux, je crois qu'il y a eu un problème aussi à cause de l'orage tout à l'heure. Ah, il fait trop chaud. Personnage des calinards téléphoniques sur la Terre a été me manque, vous êtes trop fort, ciné. sans déconner, le barbu au volant, salut à toi. Salut mec. Salut. Alors, on le fait, c'est tous les jeudis. Tous les jeudis, ouais. Dans deux jours. En fait, j'ai mis une photo de moto, mais c'était pour jouer parce que j'ai pris une photo dans la rue avec des motos derrière et j'ai flouté la plaque. En rigolant, j'ai dit j'offre, j'offre un truc à ceux qui me trouvent la plaque. Et en fait, c'est pas ma moto derrière, je passais juste dans la rue. C'est la moto d'un mec qui a rien demandé et qui se retrouve sur 2 millions de personnes sur Facebook. J'ai pris au hasard quoi. Alors il y a Nico de Belgique qui était là, qui sort avec une personne que vous connaissiez pas. On va prendre toutes vos réactions hein. Si vous voulez venir délirer, il y a Fanny, tu m'entends Fanny aussi? Oui. Ça va Fanny? Oui, ça va et toi? Ouais, tranquille. Ouais. T'as 21 ans, c'est ça? C'est ça. T'es en voiture toi Fanny là? Ouais, je suis en train de rouler avec mon copain, on est en train de rentrer à la maison. Eh bah vas-y, bah dédicace à ton mec. Comment il s'appelle ton mec? Ah voilà, Thibaut. Thibaut, bah vas-y, bah dédicace à Thibaut alors. Thibaut et Fanny. Faites quoi dans la vie Thibaut et Fanny de 77? On est tous les deux barman à Disneyland Paris. Ah putain, c'est incroyable. Ah, la chance. Attends, barman à Disneyland, c'est dans un hôtel? Tu sers des verres à Mickey? C'est ça. C'est ça. Oh là là, j'ai pas de merde. Regarde. Bah, il a soif à un moment donné. Il était trop fier. Et le ringard. Non mais tu peux lui dire, Jordan l'apprenti. Ah, arrête. Non mais ça va. Et tout le monde le regarde outré dans le studio. Bêtise là. Disney, bon, tu seras verra Mickey. On dirait mon grand-père. C'est à l'époque, c'est les vannes qui sortent dans le dos. Ah, je sais pas, j'aimais bien. Bah alors. Bon bah. Et toi alors? On m'a pas Mickey alors. Attends, mais dans quel hôtel t'es barmaid? Alors moi, je suis au Newport Bay Club, donc le grand hôtel avec des bateaux. Et mon copain. Ah, et ben ton copain, ça restera un mystère. Parce que ça a coupé la ligne téléphonique. Voilà. Attends, mais on parle de Newport Bay Club, c'est pas la confine des nuits d'hôtel, le Florida? Si, c'est exactement dans cet c'est hôtel. C'est à cet hôtel-là? Ouais. Mais alors, la semaine prochaine. Là, le fait qu'on dise ça, on dirait une pub déguisée. Ben, avec le faux Capel. C'est un problème. Je peux certifier que c'est pas le cas. Ouais, on est d'accord, hein, Fanny, on se connaît pas. Hein. Ah ouais, tu viens vraiment d'appeler au standard. Et en fait, on file des week-ends à Disney. Ouais. Avec l'ouverture de Disney ce soir, juste pour vous. Ouais. À l'occasion d'un festival qui s'appelle Electroland. Ça va être le 8 juillet. À Disney, il y a des gros DJ, notamment Steve Aoki, aussi l'énorme Shaggy et surtout Mingo. Voilà. Et bien sûr, le petit qui commence Zoumini. Donc si vous l'allez voir, vraiment, ce festival est exceptionnel. On vous fait deux nuits, non, une nuit, deux jours. Exactement, dans l'hôtel. Ouais, dans l'hôtel de Fanny. De Fanny. 800 boules. Il est beau le nuit. 800 euros la nuit. Ouais, il est hyper beau ce hôtel. Hôtel 4 étoiles. Ouais, c'est clair. Non, franchement, il est très très beau. En plus, franchement, excusez-moi, j'adore Disney. Hein, mais il se touche un peu sur les prix des hôtels. Ah bah oui. Ah ouais, c'est pas possible. Abusé, hein. Putain. Ils te vendent du rêve. Oh, déjà la Disney dormir. Dormir non, y aller pour le parc oui, mais je trouve ça trop cher. Moi. Ah ouais. Mais même l'entrée des deux parcs, ça coûte une blinde. Ouais, ça coûte une nuit dans ton hôtel Fanny dans la plus petite des chambres. La plus petite des chambres, ouais, on est dans les à peu près 700 euros la nuit. Non, mais excuse-moi, mais qui paye ça en vrai? Je suis d'accord. Une famille, elle paye pas ça en France. T'imagines? Non, mais 700 euros pour deux. Qatari, il faut faire quoi? Bah, il faut. 700 euros la nuit. Ouais, c'est. Oh là là. Excuse-moi. Plus le billet d'entrée. Non, mais t'imagines, c'est le prix. Et la bouffe. Là, c'est pas un 4 étoiles à 700 euros, c'est un 5 étoiles. C'est le prix d'un palace. Mais à Paris, ça coûte. Ouais. Non, mais. Encore. Attends, 700 euros, 30 à Paris, ouais, c'est. Ouais, mais il y a Mickey. Quasiment, c'est trois quarts d'un SMIC pour une nuit dans un hôtel. Je suis sûr, il est plein tous les soirs. Ouais, Jordan Apprenti. Et encore, je crois que c'est pas le plus cher. T'en as encore plus cher, l'hôtel Disney, vraiment. Rose. À fond, ouais. Attends, tu veux pas essayer de te mettre où tu capes, ma chérie, parce que la discussion est intéressante, mais c'est juste que j'entends une lettre, j'entends Gabriel, donc ça. Au bout d'un moment, ça va être relou. Tu veux pas t'arrêter deux secondes? Je me suis arrêtée en fait. Ah bah alors va plus loin pour t'arrêter parce que là tu t'arrêtes en fait. C'est ça le problème. Tu veux pas aller à 1 km et tu t'arrêtes plus loin? Ouais, on va faire comme ça. Ouais, parce que là il y a vraiment. C'est pire en pire. À moins que ton mec il ait peut-être un numéro de téléphone, je peux l'appeler sur son portable, peut-être qu'il va capter. Vous avez le même réseau ou pas? Vous êtes tous les deux chez le même opérateur? C'est la route en fait qui capte pas mon avancée, ça va aller en fait. Voilà, ne bouge plus, ne bouge plus. Ouais. Mets-toi un warning 2 minutes, ça, vas-y. Ouais, freinez là, ouais. Et, attends, combien ça coûte une nuit à l'hôtel Disney, le rose là? Tu sais ou pas toi, Fanny? Le rose, ah, le rose c'est plus cher, c'est dans les 800-900 euros la nuit. Oh là là. Oh, mais sérieux, c'est l'hôtel à l'entrée. C'est à 8500 euros. Quoi? 8000? Ah, mais... C'est la suite dans laquelle a séjourné Michael Jackson. Ah, ah ouais. Voilà. Ah, mais à la limite, Michael Jackson, je me dis bon. Il a pas payé, lui, je suis sûr. Il peut se permettre. C'est clair. Il était invité, lui. C'est vrai que il a raison, je vais te dire, qui paye 8500 euros en France nuit? Non mais à Disney. Les touristes. Est-ce que je veux te dire vraiment, Aude? Bah, les touristes chinois. Oui, mais voilà, mais les Russes. Te, on a dit ouais, les Français qui en France. Ah oui, non, mais en France. Les joueurs de foot, si, les joueurs de foot qui viennent. Les Émirats arabes aussi. Ah ouais. Ouais, t'as beaucoup des Émirats, ouais, c'est ça, ouais. Des chèques. On en a pas mal. Ah ouais, c'est vrai. Les mecs, ils payent en dollars. En dollars dubaïotes. Il n'y a pas beaucoup de Disney dans le monde. Ah ouais, c'est vrai. Il y en a deux. Non, il y en a en Chine. Non, il y en a pas deux, il y en a plein. Il y en a plein. Je crois qu'il y en a plein. Excuse-moi. Ouais, c'est clair. Aude. C'est vrai. Salut Guillaume, est-ce que tu vas refiler des drones? Oui, on enfile des drones. Salut à toi et à tous les frigos, on s'en fout des autres, on se transporte et on salue les gars là. Putain, c'est un truc de fou ça, je suis choqué. Non mais c'est clair. Ça coûte trop cher. Moi, j'ai déjà dormi une nuit à l'hôtel New York là, il y a un hôtel qui s'appelle l'hôtel New York. Ouais, ouais. Parce ouais, qu'il m'avait invité. Il m'avait invité une fois avec la radio et tout ça il y a très longtemps et j'étais en Belgique et il m'avait j'ai fait un an en Belgique, il y avait une opération avec un concert, je sais pas quoi, et il m'avait invité une nuit là-bas. Putain, et c'était bien, tu vois. Franchement, par contre, les lits sont Il faut les rappeler alors, comme ça ils nous invitent. Et attends, mais c'est clair. Ah, franchement, attends, New York, on les appelle. Et toi, quand tu travailles à Disney, t'as des avantages avec Disney ou pas? Oui, on a le droit. On a une carte spéciale pour aller sur le parc et on a beaucoup de réductions sur tous les restaurants et toutes les boutiques. Ouais, mais c'est-à-dire une réduction de combien? 25% partout. Ouais, mais c'est pas non plus. Pour acheter quoi, une tasse Après, Mickey? Après, c'est cher de base. C'est clair, une tasse Mickey à 700 euros, bah je vais faire 25% dessus. Ah bah super, j'ai payé 500. Ah, vraiment, je fais une bonne affaire. C'est du porcelaine, attention. Ouais. Et quand t'as une carte, tu peux rentrer illimité dans le parc ou c'est limité? Non, c'est limité. Selon les contrats, on a un certain nombre d'entrées et on fait rentrer par 3 personnes en fait. Ah, tu peux venir avec 3 copains quand même. Ça va. Ça, c'est bien. Oui, voilà. Non, c'est, oui, ça... bah, heureusement, puis lui, il travaille aussi, donc nous, on est un peu. Voilà. Ça, c'est vrai on que c'est quand même. On n'a pas besoin de dépenser nos propres places. C'est... Ouais, non, mais on est d'accord. C'est assez compliqué comme système, mais voilà. Putain, c'est. Ça reste avantageux. Et t'es quand même correctement payé ou pas en étant barmaid? Ouais, c'est voilà. Non mais sans nous dire le prix, parce que si les mecs de Disney écoutent, c'est relou, mais c'est un peu léger ou non, ça va? Non, bah ça va, on va dire que c'est la base, mais comme on a beaucoup d'avantages en nature, bah au final ça comble. Ouais, bien, mais quoi. Tu vas pas te meubler avec des tasses Mickey chez toi. Mais t'as les pourboires, je vois, des déguisements de princesse. Tu vas pas bouffer que des pommes d'amour. Ça, tu vas finir, ça va être compliqué. Là, c'est vrai, quoi. Tu vas pas t'habiller avec des robes de princesse. Il y a les pourboires, il y a. Comment dire? On a un très bon CE aussi, donc si on veut partir en vacances, même prendre l'avion, etc. Disney, ils peuvent rembourser les frais, ce genre de choses, quoi. Au final, ouais, mais ça reste. Non, mais d'accord, mais bon. C'est pas le salaire, quoi. Et donc, ton mec, tu l'as rencontré au bar de l'hôtel? En fait, c'est ça, un jour, je travaillais et il est venu me voir et il avait entendu parler de moi. Et puis, en fait, il m'a regardé et puis il m'a trouvé mignonne. Et du coup, bah, on a commencé à parler et voilà. Ça, c'est marrant, quoi. Ah ouais. Et t'es au bar, parce qu'il y a un bar qui descend un peu à côté du restaurant, c'est ça? Qui descend un peu au niveau du restaurant. Ouais, en fait, il y a une sorte de lac face à ton hôtel, non? Ouais, c'est ça, il y a le lac. Il ouais, y a la Montgolfière. Il y a la Montgolfière en face. Ça, exactement. Voilà, ouais. Tu connais bien. Bah non, mais parce que je suis allé à Disney, c'est tout. Bah en fait, ouais. Parce que moi, parfois, je vais avec des potes, comme je suis stagiaire, je vais à Disney sans payer, je fais le tour des boutiques. Bah c'est ça bien. M'est arrivé de ah oui, à Disney Village. Et en fait, tu fais le tour du lac et devant tout. Et quand il fait beau le samedi, bah c'est pas désagréable. Et en fait, je vois très bien où il y a New York parce que je montrais à des potes où j'avais dormi. Et en fait, en face, il y avait le tour et on a fait le tour du lac et on m'a dit c'est le Newport Beach machin là. Ah ouais. Et donc, je suis rentré dedans. Est-ce que tu peux rentrer dans le hall? Ah bon? Bah l'hôtel. Bah oui, c'est gratuit. Et donc, du coup, je visitais un peu le truc et tout. Et j'ai vu qu'il y avait une sorte d'escalier qui montait par la gauche et par la droite. C'est ça? C'est C'est ça. Dis donc. Ouais, je connais. Enfin, tu retiens rien. Bah non, mais parce que j'ai visité tous les hôtels, quoi. Bah, même après, moi, je suis allé me brûler dans les vestiaires. Ah, le mec, il fait que des trucs sales partout. J'aime bien Disney. J'ai essayé Disney ou Astérix. Astérix. À Disney, j'aime pas. Hein. Je suis allé deux fois, mais mauvais souvenir à chaque fois. Ah, c'est vrai ? Une fois, il a plu et puis les manèges, j'aime pas en fait. C'est trop girly, trop princesse. Tu vois, moi, j'aime bien quand ça bouge. Mais si, c'est vrai. Non. Astérix, c'est beaucoup mieux. Ah, je suis pas d'accord. Osiris, ouais, excuse-moi, ça met à l'amende. Ah ouais, Disneyland, c'est bien pour sortir. Il vient de dire, c'est trop girly. Aude qui réagit, qui dit, ah bah non, c'est pas trop girly, j'adore. C'est pour les familles, pour les meufs. Bah Disneyland. Je suis pas d'accord. Pour la parade. Ouais, non, mais je trouve que c'est pas un truc. Excuse-moi. C'est pas pour les bonhommes. Je suis d'accord. Il y a un joli univers, mais c'est pas un truc de mec avec des grosses. Non, mais oui, mais il y a des attractions pour les garçons aussi. Oui, non, mais oui, mais c'est pas un truc. C'est bien une fois. Oui, bah ok, faire, d'accord. Oui. C'est pas un truc de pote pour se rendre con, quoi. Ah non. C'est ouais, vrai. Non, mais il y a un tour de la terreur. Non, mais moi, j'adore. Attends, mais non, j'adore bah, Disney. Oui, hein. Mais le parc 2 est un peu mieux, je trouve, par contre. Ouais, et t'as vite fait le tour, quand même. Oui, mais ouais. Ouais, c'est vrai. Par contre, moi, ce qui m'emmerde un peu chez Disney, c'est la queue. J'adore Disney. Ah ouais, un peu la queue. Franchement, je trouve ça horrible. C'est insupportable. Et surtout, si vous êtes déjà venu à Disney, parfois t'as 2 heures de queue. Il y a marqué 120 minutes ah ouais. pour faire une minute de queue. Mais une minute, t'es gentil. 40 secondes. Aude. Mais justement, est-ce que tu fais la queue, toi, ou pas, Fanny ? Ça dépend. On va dire que quand on connaît bien les gens, on peut essayer de leur demander gentiment s'ils peuvent nous faire passer. En sachant que j'ai ma sœur aussi qui travaille en attraction. Bah, c'est pour moi, ça c'est familial. Ouais. Ouais. Ah, c'est bien, ça. Ouais, c'est une histoire de famille un peu. Ah, putain, mais c'est, bon, voilà, c'est après. Voilà, si on demande gentiment, des fois il laisse passer, des fois pas assez, assez aléatoire. Mais généralement je fais la queue parce que je me dis bon déjà je rentre gratuitement, voilà, faut pas être dans l'abus non plus quoi. Ouais, ouais. Moi, je tu peux attendre. Hein. Alors moi je t'en ai rien à prendre. Moi je gruge. Ouais, c'est clair. Ah, surtout si j'y travaille à l'année. Deux heures de queue. Non, c'est ton boulot, toi. Bah ouais, j'ai pas fait, bah ouais, t'en profites. Après il y a des gens qui te regardent. Il y a personne aussi. Quand tu vas ? Donc moi quand j'y vais, il y a personne. Je choisis les bons moments pour y aller. Et généralement, quand j'y vais, je. Il va lundi à 8h du matin. Ah ouais, c'est quand t'es dans le champ de la veille. C'est le jour où t'as pas du tout envie d'aller faire des manèges. C'est clair. Ah ouais. Ce qui est marrant dans les Disney et tout, c'est les nocturnes, quand ils font des nuits. Ouais, ah ouais. Halloween, genre. Ça, c'est vraiment c'est des stylé. Bons. Moi, j'ai fait Europa Park, un parc à Barcelone. Ah ouais. Non, en Allemagne. Une connerie. Comment il s'appelle Port Aventura. J'ai fait Port Aventura à Barcelone. J'habitais à Perpignan avec mes copains. Le jour d'Halloween, il y avait une nocturne. Ils avaient mis, franchement, mais 1 km de fumée. Oh. T'arrivais dans la route et tout. Il y avait des mecs qui te sautaient sur la voiture au parc. Et les mecs, ils avaient fait un vrai truc à l'américaine. Après, tu les reviens. Non, mais attends, et franchement, impressionnant quoi. Mon meilleur souvenir de parc à l'attraction, c'est la nuit. Bah ouais, parce que la nuit, t'es avancé. Ah oui. T'es dans le décor un peu, ça fait un peu peur. Alors que tu sais qu'il va rien t'arriver, mais t'es quand même un peu peur. Toi. T'as quand même Flo des cadeaux à Disney ou de Astérix ? Moi, je suis plus Disney quand même. Pour l'ambiance, oh là là, t'as un petit côté magique dans Disney. Après, c'est vrai que les manèges, ils sont plus marrants chez Astérix. Ouais, c'est plus violent. Mais l'ambiance, c'est pas pareil. Qu'est-ce que t'aimes faire, toi, par bouffer des choses ? Tu fais des bonnes d'amour. Aude. Et des choses. À moi ? Ouais. Ah, ok, d'accord. Mais non, mais moi, non, franchement, Astérix, j'aime bien, mais je trouve qu'il y a moins d'attractions que. Elles sont mieux que Disney. Disney. Ouais. Oui, mais je trouve qu'il y en elles a moins. Elles sont plus quand même. Fortes. Ouais, mais Osiris, il te met mal à l'envers. Ah ouais, la tête à l'envers. Osiris, il est trop bien. C'est parce qu'il y a Jordan Apprenti, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai fait Astérix la semaine dernière, là, et Osiris, il envoie quand même salement. Ah ouais, ouais. Ah, t'es pas bien après. On est d'accord. Non, il est grave bien. Pourtant, je suis pas très. Enfin, je crains pas trop, mais là, ça allait vite. Ah, je suis d'accord. Il y en a qui sont un peu violents. Il y en a qui sont un peu violents, quoi. Salut Guillaume, bise sur le crâne fusé de cette salope dégarnie de stagiaire. Ah non, le cornier. Salope dégarnie, c'est bon, vas-y. Non, ça c'est trop violent, là. Allez, les gars. C'est bon, là. Vous envoyez Guillaume et votre message au 6-11-12. On se fait DJ Khaled et Justin Bieber. Juste après, on prend toutes vos réactions. Et toi, t'es sorti avec un mec, du coup, avec une personne que tu connaissais pas, enfin, que tu pensais connaître et que tu connaissais pas, c'est ça, Fanny ? C'est ça, à peu près, ouais. En fait, j'étais plus jeune, j'avais genre 16 ans. Et je chattais beaucoup sur internet parce que j'étais un petit peu solitaire à l'époque, j'étais au lycée, voilà. Et en fait, ça c'est le mec, tranquille, on discute, machin. On commence à avoir une relation à distance. Et on s'est rencontrés, ça faisait 3-4 mois qu'on était ensemble. Parce qu'en fait, mes parents sont divorcés, mon père habitait pas très loin de chez lui. Du coup, on se voyait en vacances chez mon père. Et en fait, le mec, petit à petit, j'ai découvert que c'était vraiment un mec très très chelou. Genre. C'est-à-dire ? Genre. Il était très colérique en fait, genre le mec il supportait pas que je sorte dans certaines tenues, il était d'un coup il pouvait être mignon et puis après genre il me parlait trop froidement comme si j'étais son chien. Et en fait le pire je crois que ça a été un jour vraiment il a pété les plombs, genre il m'avait mal parlé et puis un jour il me regarde, il me dit bon bah maintenant tu me gifles. Et le mec, c'est un acteur, le mec il voulait que je le frappe. il est devenu fou. Genre, ça faisait quoi à ce moment-là? Ça faisait, je crois, 5-6 mois qu'on était ensemble. Et, et franchement, je crois que le pire du pire, c'était son relationnel avec le sexe. Parce que ce mec-là, il avait un vrai problème avec ça. C'est-à-dire? En gros, on s'est rencontrés. T'es en train de nous décrire, Julien Stagiaire. C'est ce que j'allais dire. Arrête, c'est pas vrai. J'ai un apprenti qui le montre des doigts. Je demande pas de gifle, hein, ça. Non, mais attends, mais ça peut être un délire sexuel. Moi, je comprends totalement. De se faire gifler, après, ouais. Non, mais s'il y a des mecs qui ont des délires, ils ont raison de le dire. Mais ouais, là, c'était pas dans un délire sexuel. Hors sexe, genre, c'est gratuit. Alors, c'était quoi dans le sexe, raconte? En gros, le mec, au début, on s'est rencontré, machin, il dit « Oh, moi, je suis du genre à attendre pour avoir des rapports sexuels, machin. » Bon, moi, j'avais 16 ans, j'étais encore vierge, donc bon, je me dis « Bon, bah, c'est peut-être un mec bien, quoi. » Sauf qu'en fait, après, elle a commencé à dire « Ouais, de toute façon, on fera pas de sexe jusqu'au mariage. » Bah, moi, j'avoue, j'ai un peu fait la grimace, quoi. Je me dis « Bon, bah, je suis pas extrême à ce point-là non plus. » Et après, en fait, le mec, sans déconner, hein, c'est vraiment sérieux, il a commencé à avoir des délires chelous, genre, il m'a dit « Avant qu'on ait des vrais rapports sexuels, je veux dire ça cache, hein. Je veux que tu me la mettes dans le cul, en fait. » Non. Genre, il voulait qu'on s'achète des objets sexuels pour que je lui fasse des rapports anal. Mais toi, sur lui, c'est ça, je comprends pas. Non, que moi je le fasse sur lui. Ah, oui. Ah, c'est pour ça que je comprenais pas. Je pensais qu'il voulait que. Il voulait se faire descendre. Avant de le faire. Lui. Que tu le domines, quoi. Oui, c'est ça, avant de le faire. Oui, mais avant de le faire, c'est bizarre. Que t'aies envie d'essayer un truc au bout des années, un délire avec ta meuf, un délire, un jour, tu t'achètes un truc, t'essayes plein d'objets, c'est marrant. Qu'en premier truc, tu dis avant qu'on se dépucelle, tu m'encules. Bonne ambiance. Non, ça fait peur. Je peux me poser des questions. Le mec, il s'est pas dosé. Franchement. Il commence à m'envoyer des liens avec des objets, il me dit qu'est-ce que t'en penses, machin. La dernière fois, je me suis mis un doigt, c'était bizarre. Enfin, le mec, d'un coup, genre, je le reconnaissais plus du tout pour le coup. Hein. Le mec, ça faisait. Là, à ce moment-là, ça faisait quoi, 7 mois qu'on était ensemble, et le mec, il commence à me sortir ça. Je me dis, mais c'est quoi ton délire, c'est quoi ton problème? Si tu m'aimes plus et que tu sais pas comment me quitter, bah, dis-le moi, je sais pas, mais non, il était vraiment sérieux, quoi. Non, mais peut-être qu'il. Attends, tu sais quoi, peut-être qu'il aime juste en vrai, peut-être qu'il aime le trou de balle, et puis voilà. Enfin, qu'il aime bien qu'on le. Non, mais c'est son plaisir anal après. Et plus que. Non, mais en vrai, là, ça nous fait rire parce que c'est extrême et tout, mais il a raison de te le dire. Après, de dire, pourquoi il voulait attendre le mariage et tout? Parce que en fait, en gros, c'est compliqué à expliquer, mais c'est la religion. Là où il travaille, non, pas du tout. En fait, là où il travaillait, en gros, il y avait, on va dire qu'il y avait des mecs qui respectaient pas les meufs, et en fait, ça l'a tellement énervé qu'il est devenu extrême. Et du coup, pour lui, il pouvait pas toucher une meuf parce qu'il voyait en fait trop de mecs qui entre guillemets couchaient avec des filles sans les aimer, etc. Ou les manipulaient pour coucher avec elles, et du coup, ça l'a répugné. Et en fait, il est devenu extrême, mais dans le sens inverse. Mais il est devenu extrême dans de quel domaine? Bah du coup, plutôt que de vouloir coucher avec une fille quand il s'en prêt, bah il voulait attendre jusqu'au mariage pour être sûr, plutôt que d'essayer de manipuler une fille pour le faire, quoi. Ouais, mais il était peut-être bizarre, ce garçon. Oui, peut-être. On va le voir sur BFM TV un jour. Attends, mais tu sais que les gens comme ça, c'est parfois un peu chelou, c'est vrai. Hein. Non, mais bon, après, voilà, il avait pas mal d'antécédents, genre j'avais discuté avec sa mère. En gros, il avait déjà fait un peu d'HP, etc. Enfin, j'ai vraiment découvert le HP, profil c'est du mec au fur et à mesure, quoi. Ouais. Hôpital psychiatrique. Et au début, il paraissait pas bizarre, le mec. Parce qu'on parle des gens. Bah non, au début, il avait l'air normal. Mais après, voilà, on discutait, on chattait. Après, on se rencontrait à chaque vacances. Donc en fait, en gros, on s'est mis ensemble un été. Après, on s'est rencontrés aux vacances d'octobre. Puis après, vacances de décembre, vacances de février. C'est aux vacances de février que ça commence à devenir chelou. Et en fait, l'été suivant, j'étais censée aller chez lui et tout. Et puis, il a pété un câble. Une nuit, il a commencé à me dire qu'en gros, il aimait son ex, qu'elle acceptait sa différence sexuelle, qu'en gros, il se remettait avec elle et tout. Ouais, mais il était bizarre. Il est un peu perché, quoi. C'était arrivé, Aude, de sortir avec un mec et de te rendre compte qu'il était bizarre, mais après En fait, au début, moi, je sortais avec un gars il y a 2 ans. Et au début, on sortait et tout, on allait au ciné, normal. Et au bout de 2 mois, il voulait plus du tout sortir. Ah ouais, bon. Peut-être qu'il avait honte de toi. Vraiment, hein. Non. Ah, c'est sympa, ça, juste. Non, mais elle est super jolie, Aude. Non, mais peut-être qu'il la trouvait plus. Non, mais il y a meilleure idée. Non, mais il était plus satisfait sexuellement, je sais pas. Mais non, n'importe quoi. Je sais pas. Non, mais attends, là, il y a quand même peu de chance, c'est ça, quoi. On sait jamais, des fois, il y a des fois, tu te poses la question. Il a changé d'avis, monsieur. Non, mais attends. Jordan l'apprenti, tu sortiras avec Aude, t'aurais pas honte. Non, pas. Attends, personne n'aurait honte. Non, attends. Sauf quand t'es parle. Attends. Pourquoi? Quel connard, c'est. Ils sont méchants, sérieux. Attends, et donc, Aude, parce que Aude, elle a 18 ans, c'est la nouvelle, tout le monde lui met dans la gueule. Mais grave. Attends, et donc, mais grave. Mais grave, Guillaume, d'accord. Mais non, il est là, et donc raconte, alors, donc tu sortais avec ce mec, il a plus voulu sortir. Ouais, il voulait plus tout sortir, il voulait plus aller au ciné, il voulait plus aller dans la rue, il voulait plus qu'on se promène, vraiment rien. Est-ce qu'il avait pas une autre meuf et il avait peur de la croiser, j'en sais rien. Bah, je sais pas. Moi, ça m'est déjà arrivé de sortir avec une meuf et à des moments de pas avoir envie de sortir pendant un mois, quoi. Pourquoi ? Bah parce que je suis fatigué, on a enchaîné beaucoup de soirées. Oui, j'ai qu'une envie, c'est de me retrouver le week-end avec ma meuf, puis de me mettre dans regarder un DVD. Ouais, mais c'est chiant. Non, mais je dis pas sur. Mais tu vois, sur 2-3 week-ends, oui, quand t'arrêtes pas, c'est agréable de se poser avec sa meuf le week-end, de la voir, de se mater des films, de pas bouger, quoi. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais lui, il voulait vraiment plus sortir et même quand on se voyait, c'était nul, quoi. Il me parlait pas, il était sur son téléphone. Il avait plus envie, quoi. Ouais, il était peut-être plus amoureux. C'était fini. Voilà, il était un peu bizarre aussi, c'est possible. Non, il était chelou quand même. Mec un peu chelou comme ça. Mmh. On va en parler après. DJ Khaled, Justin Bieber, on s'est pas encore écouté là. Non, pas encore. Il défonce ce morceau, on se l'écoute en entier. Et on se retrouve juste après avec Fabien Licard, le mentaliste. Ouais. Et les French Twins, ça c'est deux frères jumeaux qui ont fait la France a un incroyable talent et American Got Talent, 150 millions de vues sur leur vidéo. On les retrouve juste après, on va rigoler, on va essayer de faire des expériences en direct avec eux à la radio là. Sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. I'm the one, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh. I'm the one, yeah. Ooh, ooh, ooh, I'm the only one. Ooh, ooh, ooh, ooh. I'm the one, yeah. Ooh, ooh, ooh, I'm the only one. Yeah. Ooh, ooh, ooh. And you're looking at the truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah. I'm the one. The gun, no, you wanna ride now. That's right. I'm the one, yeah. That's right. I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time. For the one, what bitch you looking at the one? I'm the best yet, and yet my best is yet to come. Cause I've been looking for somebody, not just any fucking body. Don't make me catch a body, that's for any and everybody. Oh my god, she hit me up all day, get no response. Bitch, you blow my heart, that's like turning gold to bronze. Roll my eyes, and when she on the molly, she a zombie. She think we Clyde and Bonnie, but it's more like Whitney Bobby. God forgive me, told you F and S and I'm a legend. Straight up out the crescent, fly your bae down for the essence. For the record, truth, the money never lie, no. I'm the one, yeah. I'm the one, early morning in the dawn, no, you wanna ride now. That's right. I'm the one, yeah. That's right. I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. Another one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, I'm the one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, I'm the one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, I'm the one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Les deux dernières heures de la journée. C'est Guillaume Radio 2.0. Okay. Comme dans un feu d'artifice, le meilleur, c'est le final. Allez, bonne soirée, les gars. Sur Énergie. Guillaume Radio 2.0. Et bonne soirée, les gars. Merci d'être avec nous. En tout cas, si vous avez passé le mot en cours et tout, ça fait plaisir que vous soyez là. On est sur Instagram, si vous allez voir. Ouais. J'ai mis une bouée. C'est la bouée de mes rêves. C'est... Ah oui, j'ai vu. Énorme. Je rêve de cette bouée. Tu peux monter à 6 dessus, mais allez voir. Une bouée pour votre piscine. Pour la gonfler. Ouais, j'ai juste vu sur. j'ai pris sur Instagram. Vous êtes soit 675 805. Merci les gars. Voilà, Guillaume Play, PLEY. C'est Instagram, on se retrouve dessus là. On va prendre toutes vos réactions à parler de fois où vous êtes sorti avec des gens que vous connaissiez pas. On va retrouver Mickaël qui a une dédicace à faire très originale. Et puis on va se retrouver avec Fabien Licard, le mentaliste, juste après ça. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Faites pas genre, vous l'avez jamais fait. On a Cassiopée avec nous. Bonjour Cassiopée. Salut Manu. On t'écoute. écoute. Moi, en vacances, j'ai déjà fait pipi dans la mer. Faites pas, genre, vous l'avez jamais fait. Hein. Ah, pipi dans la mer, bah oui, ah, c'est classique. Oui. Et le truc qui est rigolo, c'est de faire pipi dans la mer à côté d'autres personnes qui sont pas très loin, mais elles le savent pas. Ah non, non, ça non. Non, mais tu sais, tu discutes avec des gens et tu t'éloignes un petit peu, tout en discutant, mais un peu plus loin, ils se demandent pourquoi tu t'éloignes un peu. Mais ça ne se lit pas sur votre visage quand vous faites pipi? Non, j'essaie de ruser, je discute. Là, par exemple. Rendez-vous demain, 6h-9h30, sur Énergie. On t'arrête de jouer maintenant, on approche de l'Espagne, je vais exploser ton forfait. Ah, ça va, je m'en fous. Quoi? Hein? Tu dis quoi, là? Non, je te disais qu'avec mon forfait mobile free, j'ai 25 gigas d'internet inclus dans plus de 35 pays. Alors, tu vois, on pourrait même aller en Australie que je pourrais encore jouer. Ah oui? Bah ouais, j'ai même les appels SMS et MMS illimités pour le même prix toute l'année. Bien, merci, prix. Offre soumise à condition sous réserve de couverture. 25 gigaoctets en 3G, facturation au-delà. Hors numéro surtaxé, plus d'infos sur mobile.free.fr. Bon, bah t'appelleras donc ta grand-mère tous les jours. Ça, ça va me coûter. T'as tout essayé. Les sites, les applis ne t'ont rapporté que des galères. Des lapins? Dispo au 63602. Ne cherche plus et reviens au plus simple. Envoie Dispo, D-I-S-P-O, au 63602 et rencontre des centaines de personnes par SMS pour qui le réel vaut mieux que le virtuel. Dispo au 63602. C'est simple, authentique. Pour enfin trouver l'amour, envoie Dispo au 63602. Dispo au 63602. 50 centimes plus prix du SMS Énergie. Énergie présente la tournée Fizz Experience Series avec au programme du skateboard, du BMI, du wakeboard et du roller. Fizz Experience Series, le sport extrême festival 100% gratuit. Il passera forcément près de chez vous. Reims, Anglet, Le Havre. Toutes les dates et infos sur fizz.fr. Fizz Experience Series, un événement Énergie. Hit Music Only. Comme Spider-Man, il a des pouvoirs qu'il ne soupçonnait pas. Comme lui, il a des réflexes, des sensations que les autres n'ont pas. Comme Spider-Man, il sauve des vies. Il, c'est Sam. Et Sam, ça peut être toi. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouve Sam avec Spider-Man au cinéma et sur les réseaux sociaux. Ils sont avec vous tous les soirs, tous les jours, toute l'année. De 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez sur Énergie, bonne soirée Guillaume Radio 2.0. On est en direct à 22h55. Ça va Farès, notre stagiaire Farès de Barbès? Salut, ça va et toi? Alors, et juste, il a pris mon Twitter, il est sorti 2 secondes et il a mis un tweet. Tu fais quoi dans la vie? Je suis serveuse à Disneyland. Ah, tu sers des verres à Mickey, qu'à Smiley qui pleure derrière. Oh. Alors, je t'explique, c'est de la blague de Julien Stagiaire. Ah, c'est moi. Et là, tout le monde dit, c'est censé être drôle, Guillaume, tu me déçois. Pourquoi tu trouves ça drôle? Ah, oui, faut marquer que tu trouves ça pas drôle. Parce que là, non, mais est-ce que là, vous croyez que je trouve ça drôle et que je le marque? Et du coup, vu que c'est une blague de merde de Julien, ouais, c'est pour moi. Mignon. Non. C'est toi qui prends, quoi. Ah ouais, ouais. Il faut que tu marques un truc, là, si tu veux. Hein, c'est il pas est grave, gentil, hein. Ouais, c'est t'inquiète pas, tu vas apprendre. On va vite t'éduquer, Tom. Bon, on va faire le. C'est... On est quel jour, là? Mardi. On est mardi. Mardi, c'est les bons plans? Ouais, c'est ça, ouais. C'est bon plan, c'est ça, les bons plans pour l'argent et tout. On va se le faire après, là, dans 5 minutes. Ah, pas de soucis. Ouais, non, on aura peut-être pas le temps ce soir d'ailleurs. Je te dis, on a des invités aujourd'hui. Ah, ouais. Mais sinon, on fera jeudi le classement des pires bugs de la semaine. Hier, il y en a eu un beau de Jordan Lapointe. Ouais, je sais, oui. c'est noté. On se fait le classement, c'est la cérémonie de la semaine avec les pires trucs. Mais là, la semaine dernière, on a été gâtés. Ah, oui. La semaine dernière, elle était lourde. Voilà. Cadeau. Ah, bah, la semaine dernière, c'était cadeau. Ils te font des cadeaux, toute l'équipe, en ce moment. Ouais, grave. Et après, Farès, il nous envoie les pires bug, le plus gros rire, la blague de merde, etc. Ouais, de la semaine. On le fera. Okay. Jeudi, merci Farès. Pas de soucis. Fanny qui était là avec nous et il y a Mickaël qui vient d'appeler 2 minutes avant de retrouver les mecs qui ont fait 150 millions de vues. Ah, c'est dingue. La France en incroyable talent qui ont été pris à American Got Talent et aux États-Unis. 150 millions de vues sur leur spectacle. Ils vont faire un truc, un énorme sketch. Je sais pas si on peut trop le dire, donc je vais attendre qu'ils le disent. Mais... de la magie en plus. Et les mecs, ils sont exceptionnels. On va essayer de faire des trucs à distance, tout ça avec vous tous chez vous. Mais d'abord, Mickaël, 40 ans de Pontivy dans le 56. Dans le Morbihan. Ouais, c'est ça, vers l'Orient. Bonsoir à vous à tous. Là. Moi, je lance simplement une dédicace. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un peu le temps comme ça, depuis Oz, depuis Prison Break. Je sais pas s'il y a du monde qui connaît ou pas. Là, on a un des meilleurs feuilletons là qui passe sur TF1 maintenant le mardi soir. Vraiment qu'ils arrêtent de mettre de la dope de merde à la télé. Hein. Ouais. Mais, je dis à tout le monde de regarder L'Arme Fatale parce que franchement, c'est un des meilleurs feuilletons de l'année. Là. Voilà. Donc une dédicace pour L'Arme Fatale, quoi. Non mais attends, je suis bien dans ma tête, j'adore. Merde à la télé, quoi. Ouais, tu trouves qu'il y a trop de merde à la télé, toi, Mickaël? Un peu. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que t'aimes à la télé, toi? Bah, des séries comme L'Arme Fatale, après le boulot... Non mais L'Arme Fatale, on l'a pas pris. des bons films, quoi. Qu'on arrête de payer des rendements en télé pour mettre de la merde à la télé. Bah, c'est clair, mon gars, putain, mais même. Je comprends pas pourquoi on a attendu le 27 juin pour t'avoir à la radio. Enfin, un coup de mais c'est vrai, putain, c'est pas possible, ça. Voilà, c'est bien. Voilà, ça, c'est du gars. Sans arrêt, qui font des heures de barré et combien on rentre chez nous à 4h du matin, on vient de finir le boulot à 4h du matin, on allume la télé pour regarder quoi? Pour regarder de la merde à la télé. Mais c'est clair, mon gars. Ah oui, non, mais je te dis les émissions, tu me dis si t'aimes bien ou pas, d'accord? Ouais. Ok. est-ce que t'aimes bien question pour un champion? Non, c'est de la merde. Ah ouais, c'est direct. Est-ce que t'aimes bien TPMP? La merde. Est-ce que t'aimes bien The Wall sur TF1? Non, c'est de la merde. Ah d'accord. Que de la merde, là tu me dis que de la merde, non. Attends, laisse-moi venir, voilà, Mickaël, 40 ans. L'analyste. Mais c'est alors, c'est le critique télé. Qu'est-ce que t'as pensé de la télé hier soir? La merde. De toute façon, je regarde jamais la télé, moi. Tu sais, je mate jamais la télé à part des bonnes séries comme l'arme fatale. Ça, tu voudrais l'inventer, ça n'irait pas. Très fort, je le dis, ça peut pas être info. Voilà, là tu l'entends chez toi, vous l'entendez. Ça m'endort, moi. Les informations m'endorment sur téléphone, même de la une. L'arme fatale. Même la météo, quoi. Non, mais je reste pas coincé simplement sur l'arme fatale, tu sais, mais je regarde beaucoup d'émissions. Il n'y a aucun problème, mais bon, pour une fois qu'on a... Pour le DVD de la Je t'aime, Mickaël. Je vais me faire tatouer Mickaël. Mickaël, 40 ans, Mickaël, l'arme fatale. Non, mais je te le dis, en ce moment, je suis tatouage, alors je vais me tatouer. Ah bah. Tout ce que je vois. Attends, juste un truc, Mickaël, tu travailles dans quoi et tout? Décris-toi, tu nous as même pas dit qui tu étais. Moi, je suis traiteur de métier, je fais des mariages, les baptêmes, les communions, pas encore les enterrements, bientôt les enterrements aussi, mais voilà. Non, mais c'est pas possible. Je suis traiteur. Ah, je t'entends pas. Je suis traiteur, je suis cuisinier, quoi. Cuisinier traiteur. Attends, non, mais c'est pas possible. Non, mais tu fais quoi? Non, mais c'est une caméra cachée, Mickaël, ou c'est vrai? Bientôt les enterrements. Tu m'entends, Mickaël? Ouais. Non, c'est un vrai. Mais non, il est en train de se foutre de notre gueule. Ouais, c'est une gueule, là. C'est un fake, non? T'es un vrai gars, Mickaël, ou c'est une blague? Non, je suis un vrai gars. Ah, si. T'es né en quelle année, là, Mickaël? Pourquoi? 75. T'as dit quoi? 75. Ouais, donc t'as pas 40 ans alors, Mickaël? Bah non, ça me fait quel âge alors? Bah vas-y, dis-moi. Bah calcule. 42. Ouais. Non, c'est une couille, Mickaël, arrête. Ah non, c'est une couille parce que... Hein, qu'est-ce qu'il a fait les cadeaux? Ouais, putain, je suis déçu, j'ai l'impression que c'est une couille. Ouais, moi aussi, putain. Peut-être qu'il est un peu stressé pour calculer. Mais non, c'est une peut-être qu'il est un peu... Je suis déçu. Là, un mec, il me dit, je suis traiteur, mais je vais bientôt faire les enterrements, excuse-moi. Ouais, y'a pas de traiteur aux enterrements. Non, c'est juste une blague, hein, tu sais, on fait pas les enterrements. Là, on fait que les mariages, les baptêmes et les communions, quoi. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ah, j'ai un doute quand même. Moi, il faut l'apprendre à la troisième personne, quoi. Ouais, Aude. Non, en fait, il voulait pas parler de son âge. Ah d'accord, c'est ok. Pour ça. Ah ok, très bien, ok. Bon bah en tout cas, et Mickaël, et toi donc tu travailles à Pontivy, t'as des passions dans la vie, je veux dire. Ouais, pas... Pontivy, Maguignac. T'as dit quoi? Maguignac. Très bien. Okay. Maguignac. Vas-y, bah, enchanté alors. Vous connaissez, hein, c'est un peu pigeon, c'est pour moi les pigeons, quoi. Mais c'est sympa, Pontivy, c'est sympa, c'est en Bretagne, aucun problème. Ouais, putain, mais bah, on embrasse c'est les Bretons. Pigeon, hein, ouais. C'est pour moi. Bougeux, c'est les bougeux, quoi, mais faut connaître. Bah, pas du tout, tu vois, bah, c'est la vraie vie, mon gars, c'est la vraie vie, moi, c'est ma vie. Alors, attends, je vais te dire des émissions, je vais te dire des films après, tu vas me dire si c'est de la merde ou pas, là. Ah, ouais. Attends, liste d'émissions télé, puis après on reçoit Fabien Ricard dans deux minutes. Flo Descalos, t'as une liste d'émissions de télé pour toi, j'ai stagiaire aussi. Ouais, c'est bon. On va dire des émissions, tu nous dis c'était de la merde. Attention, je commence. Putain, il y en a plein, hein, après, c'est que là, j'en ai un milliard. Les 12 coups de midi. La merde. Oh ouais. Donnez-moi. 7 à 8. La merde. Donnez-moi. Les amours. La merde. C'était génial, mon gars. Ah ouais. Mais t'es mon nouveau dieu, mon gars. Non, mais je te le dis, putain, Mickaël, t'es extraordinaire. Est-ce que tiens, une autre émission de télé, le Big Deal. À l'ancienne. La merde, c'est la merde, Big Deal. Ah mais là, putain, faut les cadeaux. Koh-Lanta. La merde. Ah non, c'est pas mal, Koh-Lanta. Ouais. Mais tu les connais, les émissions, ou tu les as jamais vues? Ouais, mais je connais les amours, le Big Deal. Je peux en citer quelques-uns, mais c'est que de la merde. Qu'est-ce qu'ils mettent à la télé? La plupart, c'est de la merde, quoi. Et c'est quoi, ouais, les animateurs télé que t'aimes bien? Le truc qui est bien, c'est noir, parce que ça dure, que c'est tard, c'est 90 minutes d'enquête, quoi. Ah ouais. Ouais. Et par exemple, les animateurs télé, il y en a plein que t'aimes pas du coup. Non. Pourquoi tu les aimes pas, genre, dis-moi un nom et tu me dis pourquoi tu l'aimes pas. Parce que voilà, c'est du marketing, parce que voilà, c'est. Ouais. Ah, c'est marketing. Nico, t'aimes pas. Ah ouais, ouais. Non, bah non. Ouais. Ouais. Ah, Nico, t'aimes pas, c'est vrai? Non, Nico, non. Cyril Hanouna? Non. Nagui? Ouais. Non. Tex? Ouais. Non, mais il est mort, rien. Oui. Peux... Nagui, non, d'avenir, Nagui, on a dit. Stéphane Plaza? Bernard de la Villardière? Sur M6? Non, pas trop. Non. Ouais, c'est vrai. Jean-Luc Reichmann? Ouais. Non. Karine Le Marchand? Non. Non. Magleski. Ah, ça va être dur. Ah ouais. Mettre les. Jean-Pierre Foucault? Non. Ah, ouais. Michel Drucker. Ça va être très très dur. Non, pas comment. Non, tu trouves ça comment qui veut gagner des millions? La merde. Non mais arrête, mais sincèrement, c'est, mais quel genre? C'est du bis, c'est l'argent, c'est. Ah mais tout méga, alors. C'est voilà, ça passe à la télé, c'est du méga. Et on pèle tout, on redemande la télé, mais c'est bien, c'est faut continuer comme ça, qu'on claque l'argent pour déconner quoi. Ah ouais. Il y a des choses à changer dans la société, t'as envie d'échanger, toi, Mickaël? Ouais, j'en vends bien. Ouais. Qu'on mette beaucoup de ciblés, moi je dis pas, tu sais, à l'américaine, mais qu'on mette beaucoup de trucs à l'américaine quoi. L'arme fatale quoi. Ouais, tu dis pas l'américaine, mais tu proposes des trucs à l'américaine quoi. Ouais, c'est un peu mal, pas mal quoi. Voilà. Comme l'arme fatale, il te dit. Ouais, c'est pas mal. L'arme franchement. Fatale, bah regardez, tous les jours, l'arme fatale. Regardez, si vous emmerdez un de ces soirs, que vous passez pas à la radio, vous faites pas. Voilà, matez l'arme fatale, vous verrez. Et tu nous connais depuis quand, toi, Mickaël, l'émission là? Moi, avant, je suivais pas l'énergie, moi. Ah, et alors, t'es là depuis quand du coup là? Bah, moi, c'est parce que ma femme m'a dit une femme, fais une petite dédicace à Énergie et j'ai envoyé une petite dédicace à Énergie, quoi. Ah, voilà. Ouais, c'est ça. Ah, t'es marié du coup. Ah, t'es marié du coup. Ouais, marié, ouais. Depuis combien de temps? 13 ans. Ah, ouais, putain, c'est bien. Ah, ouais. Elle est à côté de toi là? Oui, elle est juste à côté. Moi. Ah, on peut lui faire une bise comme ça? Ah, bah oui, fais une bise à la copine. Ça va ce qu'elle m'a dit. Voilà, sur une Sandrine, quoi. Comment elle s'appelle? Sandrine. Ouais. Vas-y, passe-nous Sandrine, comme ça on lui fait un bisou 10 secondes. Sandrine. Ok, problème. On va faire un bisou à Sandrine là. Rapidement. Tu m'entends Sandrine? Oui, allô? Ça va Sandrine? Bonsoir. Salut. Ça va Sandrine? Ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il fait dans la vie là Sandrine? Bah je recherche un emploi. D'accord, ok, dans quoi? Dans personne âgée. D'accord, ok, très bien. C'est bien ça, ouais. Vas-y, bah dédicace. Maison de retraite. Dédicace toutes les hospices là. S'il y en a qui cherchent quelqu'un là pour les garder, bah, pensez à Sandrine, pour l'été, ouais. À la copine de Mickaël. En 5-6. De Pontivy en 5-6, exactement. Bah ouais. Des passions dans la vie, Sandrine? Non. Bah oui, la musique, Énergie. Ah, c'est simple. Une belle merci. L'arme fatale sur TF1 ou pas du tout? Pas du tout, non. Oh là. Ah, parce que ton chéri adore l'arme fatale. Hein. Ouais. Ah oui, bah pas moi. Ouais. Ah merde. Et attends, je regarde pour. Je regarde pour le faire plaisir, mais moi j'aime pas. Ouais. Ah ouais. Moi, c'est plutôt la série. Les mystères de l'amour et tout ça, quoi. Ah oui, d'accord, Sandrine. Eh ben, très bien, eh ben, voilà, comme ça vous avez chacun votre programme favori. Bah oui. Voilà. Vous avez deux télés l'une à côté de l'autre. Exactement, vous on va faire les amours à Sandrine. J'ai deux émissions, wow. Salut Guillaume, Mickaël, t'as trop raison sur l'arme fatale, Mickaël, président. Ah. Salut à toi. Sinon, vous êtes sur Facebook ou pas? Oui, bien sûr, oui, sur Facebook, ouais. Ouais, tout à fait. Guillaume Play, P-L-E-Y, on est 2 millions. Si vous venez nous retrouver, tu nous retrouves, on a une bonne bande de potes là, 2 millions. On est là, hein. Pas mal. On rigole bien. C'est quoi sur quoi je note? Alors, c'est Guillaume, pour tous ceux qui veulent nous rajouter d'un coup, comme ça on le fait qu'une fois, je sens que ça va être long là, alors prenez le temps. Vous ouvrez votre Facebook et vous nous rajoutez. Voilà, Guillaume Play, avec un P, P-L-E-Y, d'accord? D'accord. Ok, sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat, on est partout, il n'y a pas de problème. Ok? D'accord, Guillaume. Hein, t'as Snapchat ou pas toi? Non. Oui. Ah, oui, non. Ah, bah, tu peux arrêter. Elle a hésité, voilà. C'est peut-être tout nouveau. Tu t'as déjà envoyé des photos de toi sur Snapchat ou pas, Sandrine? Non, pas encore. Ah, pas encore, ouais. Ça va commencer alors. Des news. Et Mickaël, comment il est? Alors, attends, tu peux me repasser Mickaël vite fait là? Oui. Merci, bien, monsieur. Attends, on va faire un petit bisou. Tu m'entends, Mickaël? Ouais, donc une petite dédicace quand même à l'arme fatale. Hein. Ah, ouais. Franchement, il est bon. On aura compris, s'il lâche pas. Énorme. Et comment tu trouves le journal de 20h? Oh, nul. C'est de la merde. Il s'en fout. Comment tu trouves l'agence Tourisque? Pas mal. C'est américain. Il y en a qui me disent ça par SMS. Demande-lui pour l'agence Tourisque. Eh bah ouais, bien vu. Eh ben, tu l'as eu. Salut au 3ème B du collège François Villon à Saint-Laurent. À Saint-Varan. Walker Texas Ranger, t'aimes bien? Non, c'est nul ça. Ah, ah merde. Il a cru qu'il allait sortir un dos et puis il s'est fait rouler. Ah, il y a pas plus. Désolé, tu peux retourner à la maison. J'ai couché avec sa femme Sandrine, je suis de. Attends, tu connais le village du Sourne? Ouais. Ah bah il y a voilà. Y a un mec qui connaît ta femme qui est là, je la connais et tout. Salut à tout le monde. En vrai, il a trop raison, la télé pue la merde, surtout un problème de télé-réalité. Salut Quentin du 17. Ah, salut, bah, salut bah, Quentin. Oui, bah, dédicace à tout le monde alors. Mickaël qui est là hein, de Pont-TV du coup. Mickaël, je pourrais te rappeler demain toi Mickaël. Non, ouais, mais tout dépend à quelle heure, parce que je sais pas à quelle heure que je sais que je commence à 8h ou à 7h du matin. Des fois, je suis passé moi avant 9h du soir. Ah, c'est vrai, ouais, bah c'est pas grave, je suis à 10h moi, je suis à 10h à l'antenne, frérot. Ouais. Ouais. Je fais des heures de pareil là où je travaille et tout, et on est. Bah, on passe plus de temps au boulot qu'on coupe, quoi. Ah, ouais, c'est normal, ouais, ouais. Voilà. Bah, ouais, ouais. Et ça boit un peu au boulot, pas du tout? Bah, un peu, heureusement que le dimanche matin, quand on rentre des mariages à 5h, 6h du matin, on boit un petit peu, quoi. Ouais, ça consomme avec modération. Ah, ouais, ouais, évidemment, ouais, voilà. Voilà. C'est pas normal, c'est pour, juste pour décompresser. Ouais, ouais. Comme ce soir, un peu. Mais là tu décompresses ou t'es. Non, pas dans la semaine. Ah, pas dans la semaine. Ah, ouais. Et t'as les enfants, toi, Mickaël, ou pas? Pas encore. Ah, t'as envie? C'est un projet. Ouais, peut-être bien. Ah, c'est vrai, ça pose un peu la question, ouais. Un petit junior, là, ouais. Un petit junior, ouais, mais dès que j'ai un temps, quoi. Dès que j'ai le temps, quoi. Bah, ouais, t'as raison. Allez, on attend le temps. Je t'embrasse, Mickaël. Je te rappelle demain, frérot. Je vais réfléchir à un truc avec toi, là. On va faire un petit truc tous les jours. Ah, ouais. Ouais, tous les jours. Et on va faire un quiz avec Mickaël tous les jours. On va se faire le quiz sur de la télé. Un quiz de la télé avec Mickaël, exactement. À demain, Mickaël. Je te rappelle demain soir à 22h, d'accord? À demain. Bonne soirée. Allez, bonne nuit. Et la télé, c'est de là. Folie. Non. De la merde, putain, de merde. Arrête pas de dire de la merde. Et la télé, c'est que de là. Arrêtez, regardez la merde à la télé. Alarme fatale. Allez, à demain. Et on se fait. Bisous, mon frérot. On se fait Ritza, Mamma Mia. Et juste après, on retrouve les French Twins. Les deux frères jumeaux qui ont fait un carton incroyable. France Incroyable Talent et American Got Talent. 150 millions de vues. On les retrouve juste après. Et Fabien Olicard juste après sur Énergie. Je sais pas vraiment ce qu'on veut en inconnu, on fait que m'appeler. Non, on veut pas me lâcher, je prends mes bagages en aller. Miss, retrouve-moi en ville, moi je vais me pavaner. Je sais pas, j'aime pas ton style, quoi, je n'ai pas vanné. Je vais me caler au tacos, puis j'ai deux, trois choses à régler. Tu peux tout remballer, je viens pas à ton RDV. J'ai mes lunettes de soleil, je suis posé dans le sud. Toi, tu fais trop de manières. Tu parles à Sim, à FIFA je lâche pas la manette. 3-0 j'assure, ouais. Tu ne fais que râler. Allez fonce dans le mur. Quand la devise on la connaît, il nous faut de la monnaie. Il nous faut de la monnaie. Il nous faut de la monnaie. Fais la timide on te connaît. Tu aimes bien te coller. Tu aimes bien te coller. Tu aimes bien te coller. Je suis dans mon monde on me dit que je suis malade. Mamma mia. Jamais sans le frérot, je suis calé avec sa mou. Vas-y, passe voir un film. Les autres ils sont vilains. On aura la ville. Ah, on est plus malin. Quand la devise on la connaît, il nous faut de la monnaie. Il nous faut de la monnaie. Il nous faut de la monnaie. Fais la timide, on te connaît. Tu aimes bien te coller. Tu aimes bien te coller. Tu aimes bien te coller. Je suis dans mon monde, on me dit que je suis malade. Mamma mia. sont avec vous tous les soirs, tous les jours, toute l'année. De 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0. Allez sur Énergie, avant de se faire. Le nouveau soprano tout à l'heure, Cœur Donnier. Je t'écoute en entier. On va se caler Luis Fonsi avec Justin Bieber aussi, Despacito. On se le fera avant la fin de l'émission. Et Fabien Licard vient d'arriver. Ça va, Fabien ? Ça va, c'est bien. Première c'est fois bien. Que salut. Tu viens sur Énergie, c'est ça ? C'est ça, exactement. Vas-y, c'est plaisir. En fait, on a vu tes vidéos, nous, sur, sur YouTube. On en a vu pas mal, etc. On s'est dit que c'était marrant de t'inviter, quoi. En plus, alors, toi, t'as sorti un bouquin. Il est où le bouquin, là ? Il est là. Derrière, ouais. Est-ce que t'en as un ? Oui, ouais, je l'ai. Attends, je l'ai. En plus, je l'ai. Mais tu me l'as dédicacé, en plus. Hein, tu vois, au début. Oui, c'est vrai. Arriveras-tu à lutter contre la page 66 ? Alors, c'est marrant. Franchement, c'est en fait, nous, on invite que des invités qu'on a trouvé vraiment fort et tout. Vraiment, c'est-à-dire qu'on ne se force pas, on a une dizaine de personnes par an. On a eu un braqueur de banque, le dernier c'était un braqueur de banque. À ta place là. Ouais. Ouais. Non, c'est un peu le même métier, mais en plus légal. Quoi. C'est ça. Il n'est plus braqueur, après il était employé des renseignements. Ouais. C'est ça. Et magnifique, on a eu un astronaute, on a eu 50 Cent, on a eu des chanteurs, des rappeurs, on a des Gims, tout ça. Mais et de temps en temps, c'est marrant d'avoir tu vois, des gens qui font des choses différentes. Et toi, tu as donc alors, la page 66, je vous dis typiquement dans le livre ce qu'il y a. C'est il y a une croix rouge au milieu d'un rond avec des cases. Et là, il vous dit de choisir un chiffre entre 10 et 50. Vous comptez dans tous les sens, etc. Et vous êtes toujours tombé sur la même case. C'est un truc de ouf. Hein. Ah, on l'a fait, ouais. Parce qu'en plus, tu sens que y a un forçage quelque part que tu maîtrises pas, tu vois, qui est même au-delà du psychologique. Mais pourtant, ton doigt, il fait ce qu'il faut et tu fais ah, c'est encore elle. Quoi. Ouais, en fait, imagine, tu choisis. Rien faire. Il y a 10 cases autour. Tu choisis un chiffre entre 10 et 50, ça rase, tu tombes toujours sur la même case. Ah, c'est la merde. Et tu dis, c'est con ou quoi ce truc-là ? Mais pourquoi ? Non, mais c'est vrai, j'ai essayé cet après-midi, j'ai fait deux fois. Ah, moi aussi. Et Flo Descalos, elle faisait, elle dit, vas-y, faisons un autre. J'ai rasé ah, le 26, ça, c'est un chiffre facile. Okay. Et moi, je retombais toujours sur la même case, quoi. Voilà, donc dédicace à tout le monde. Il y en a qui allaient voir les vidéos. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez y aller. T'as fait des vidéos, je crois, tous les jours, non, c'est ça, pendant une période, pendant un an ? Ouais, en fait, l'année dernière, je me suis dit, tiens, faut que je réécrive un spectacle. Comment je peux faire pour me stimuler dans l'écriture, et j'ai dit je vais faire une vidéo tous les jours pendant un an parce que je suis très feignant, donc si je dis une par semaine je vais pas tenir. Ah, c'est vrai. Mais par contre, comme j'ai un peu d'orgueil, si je dis une tous les jours et que j'en fais pas une, ça va voir, tu vois. Y compris le week-end ou pas, non ? Ah ouais, les 366 jours, parce que c'était bisextile, comme je suis pas malin tout le temps. J'en fais une, rien à faire, tu vois. Et j'ai fait ça durant un an, mais juste avec un but de faire des vidéos pour me stimuler. Et en fait, j'ai adoré ça. Et puis, il y a une communauté qui est venue, et du coup, j'ai continué. J'adore. Ouais, t'as pas mal d'abonnés, t'as combien là sur YouTube maintenant ? Oh, tu sais, je regarde pas souvent, 567 136. Mais il s'est quand même. Toutes les 10 minutes, tu sais, je me mets à jour. Et t'as fait la première partie de Jeff Panaclock, j'ai vu. Oui, bah c'est un pote depuis longtemps. On a commencé ensemble dans les cabarets, tu vois. Et puis après, il s'est envolé et tout. Mais quand il a commencé sa tournée de Zénith, j'avais fait les trois premiers Zéniths pour la compagnie. Ah, c'est vrai ? Ouais. Ah, les premiers Zéniths ? Ouais, les trois premiers. C'est impressionnant, Zénith, en plus. Ah ouais. Ah, c'était cool. Et combien de personnes dans un Zénith ? Bah, les plus petits, t'as 4000. Les plus gros, t'as 7005. Ah ouais, putain, ça fait peur. Ouais. C'est énorme. Ouais, 7500 personnes qui payent pour te voir. Là, c'est-à-dire que c'est pas. C'est, là, c'est, là, attends, t'imagines. Qui paye pour voir Jeff et qui commence par moi, ils sont dégoûtés. C'est qui, on le connaît pas. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Là, c'est trois fois le prix d'une place de cinéma. Je veux dire, c'est pas un truc qui est anodin. Aller voir quelqu'un en spectacle, c'est un vrai effort pour. Ah, c'est une démarche. Attends, c'est beaucoup d'argent. Et encore, lui, c'est pas cher. Les billets, il les a fait le moins cher possible, ouais, Jeff. C'est vrai. 30 ou 35 euros. Alors que la plupart des artistes, par exemple, les vieilles canailles, c'est 150 à 250 euros. Ouais, les premières places. Même Céline Dion, là. Intérieur. Attends, c'est-à-dire qu'imagine, tu veux y aller avec tes deux enfants. Ouais, t'en as pour 800 boules, oh quoi. Ouais. Si tu veux être à peu près devant, machin. Et sachant que lui, il partage avec le singe, tu vois. C'est Jean-Marc, c'est pour la moitié. Non, mais t'imagines, c'est quand même c'est un amour énorme. Tu te dis, est-ce que là, il y a des mecs qui font, là, par exemple, le manoir. Ouais. Tu sais que tu fais un film, etc. Ouais. Tu vas payer entre 4 et 12 euros. Et lui, à un an, c'est rempli. Un an et demi, il a déjà mi-2018, c'est déjà comblé partout. C'est un monstre. C'est énorme. Il est revenu avec un nouveau spectacle, les nouvelles marionnettes d'ailleurs, Jeff Panaclock. Exact. Deux nouvelles. Deux nouvelles, ouais. Alors, donc en gros, là, tu fais plein de trucs, mais c'est quoi ton métier ? C'est mentalisme ? Vraiment ? Ouais. En fait, le mot mentaliste. J'ai du mal à te définir. Ouais, bah oui, ouais. Et c'est ça qui est cool d'ailleurs. Mais mentaliste, ça n'a pas de définition. Du coup, chaque mentaliste a la sienne. Tu vois, il n'y a pas une définition légale. Donc en fait, mon job, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionnent les choses et parfois d'essayer de vous bluffer avec, tout en essayant de vous faire rire. Ça, c'est la. Parce qu'en fait, c'est un peu de l'humour, c'est un mélange. Ouais, c'est. En fait, c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que j'aime, tu vois. Qui sont. Du coup, je fais du Fabien Olicard. C'est pas mal aussi. Il a un truc qui est très fort dans le livre. Il apprend. Alors, c'est un truc qui est fun. Hein. C'est pas un... quand on dit un livre et tout, il y a pas limite trois phrases d'affilée dans le livre. Il y a des graphiques, des trucs à faire avec une lampe torche. Des expériences. Franchement, c'est rigolo. Pour l'été, c'est un truc qui est marrant. Ouais, ça divertit. Vous achetez le truc, vous le prenez dans votre bagnole, bam, vous partez en vacances avec les parents et tout. Et il y a plein de trucs à faire avec un stylo, avec le doigt. Julien Stéjar, il a plein de trucs avec ses doigts. Oh, doigt. Non, mais là, par exemple, c'est chiant, il sait détecter un mensonge. Vraiment, il y a Flo des cadeaux, il a lu entièrement le bouquin. Ça fait une semaine qu'il l'a pris chez lui et tout. Et il me dit, c'est impressionnant. On va essayer dans deux minutes. Ok. Julien Stéjar et Aude, on va prendre une fille et un garçon, vont raconter une histoire. Okay. Il y en a un des deux qui aura une histoire vraie et l'autre une histoire fausse. Il va falloir que tu devines lequel raconte une connerie et lequel dit vrai. Ok. D'accord. Est-ce que l'histoire fausse est 100% inventée ou pas? Ah bah alors je vais te dire un truc, ils vont l'inventer pendant la pub. Bah ouais, super. On va faire un petit point. Ouais. Non mais je l'ai, en fait, vous savez pourquoi j'aurais pas prévenu? Pour pas qu'ils se préparent trop et que ça se sente. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, ils vont se voir dehors. Il y en a qui va dire, toi tu dis un truc vrai, toi tu dis un truc faux. Mais pas des trucs fantastiques, hein, c'est juste histoire de voir. T'arrives à lire sur le visage, c'est ça? Alors en fait, on peut jamais être sûr à 100% d'un mensonge ou pas. Là, je suis en train de préparer ma porte de sortie si je me plante. Mais par contre, c'est vrai qu'on a toujours à peu près les mêmes signes qui reviennent et il y a des signes qui tendent à dire ça. En fait, les mains, genre, non ? On sait pas si la personne ment ou pas, par contre on sait que son état émotionnel n'est pas celui qu'elle veut faire passer. Et c'est ça qu'on essaie de voir. Les micro-expressions, enfin je vais pas te donner les clés, mais... Tu peux nous expliquer c'est après. Ça. Alors il y a les plus grosses triches. J'ai vu dans... Tu disais que t'as fait une vidéo avec un tricheur qui a rencontré le plus grand tricheur du monde. Exactement. Il avait fait quoi ce mec-là ? Il a dévalisé plus de 5 millions de dollars dans les casinos en trichant. 5 millions. Ouais. Oh là là, et lui aussi, il a bien tourné, tu vois, comme ton braqueur de banque. C'est-à-dire que maintenant, il est consultant pour ses casinos. Il a fait une petite peine de prison. Ah ouais, logique. Enfin, une bonne peine. Il a écrit des bouquins qui se sont archi bien vendus derrière. C'est américain ? Ouais. Et il est fort. Hein. Et depuis, il a fait ça. Et moi, je lui ai coécrit ce spectacle à Maurice Douda. Il s'appelle, il sera à Avignon cette année. Et quand il a écrit le spectacle, ce tricheur en question en a eu vent. Il a dit, maintenant, combien tu me donnes ? C'est énorme. Il l'a contacté par mail en disant, combien tu me donnes maintenant que tu parles de moi dans un spectacle. Putain, le bâtard. Et du coup Maurice, il était paniqué. Il fait on est obligé de tout arrêter. Je fais non, prends contact avec lui, c'est une super occasion pour le rencontrer. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont devenus potes. Et maintenant il a rien demandé quoi. Et il a rien demandé. Putain, du les coup les mecs, c'est un chien. C'est génial. Alors on va faire un jeu. Faut que tu devines si la plus grosse triche de l'histoire. Je vous en racontais plein. Faut que tu devines si c'est vrai ou si c'est vrai. D'accord. C'est un jeu qui est très facile. Il y a plein de jeux. En plus, t'es sûr de gagner, du coup. On a regardé les plus grosses triches juste pour le délire et on a halluciné. En 2004 à Marseille, il y a un candidat au bac qui s'est tatoué tout le cours de physique chimie sur tout l'avant-bras. Vraiment. Et en fait, il s'est fait griller par le surveillant et il a dit attends, t'as quoi là, machin. Et en fait, du coup, il a pas eu le bac, il a été interdit de bac. Par contre, il a toujours son cours de physique sur le bras. Il a remis une photo là il y a pas longtemps. On donnera pas son nom, il a pas envie de faire de pub et tout. C'est marrant quand même. Mais t'imagines. Mais surtout que le temps passé à souffrir au tatouage, apprends ton cours à ce moment-là. Limite, on fait autre chose. Que je me suis fait tatouer ce week-end avec des potes un petit truc sur la jambe pour rigoler. Je peux dire que ça fait très beaucoup plus mal que ce que je pensais. Je me suis fait sur l'os de la cheville. Oh là mais là, c'est avec la résonance. C'était très mauvaise idée. Il y a deux élèves qui sont venus en examen avec un paquet de M&M's chacun. Ils avaient un code de couleur. En fait, ils mettaient un jaune, un bleu ou un rouge en fonction des réponses A, B, C. C'est énorme. Et là, c'était pour le code de la route. C'est génial. Et en fait, il y en avait un qui avait déjà le code et qui venait, qui était très fort. Hein, en fait, il faisait partie de l'auto-école. Et il venait, il se mettait sur une pièce, sur un tableau devant, il le faisait devant toi. Et en fait, comme ça, tout le monde savait derrière la bonne réponse. C'est fort, sauf qu'il s'est fait arrêter. Il pouvait avaler les preuves. Exactement, c'est pas quand même. Là, c'est les plus gros. Alors attends, on va faire une dernière. Mais franchement, il y en a un milliard, c'est hallucinant. Il y en a des abusés. Il y a Rosie Ruiz, en 1981, une meuf, elle a remporté le marathon de Boston en 2h31. Elle a fait une heure de mieux que les meilleures femmes de l'époque. Une heure de mieux. Ah ouais. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'elle était sortie à un moment donné, qu'elle avait pris le métro. Non. Elle était passée sur des. Non, mais c'est extraordinaire. Et ils l'ont pas cramé avant. Elle a pris le métro. Bah non, en fait, ils ont mis du temps. Et les caméras comprendre. Bah ouais, mais à l'époque, en 1980, il n'y avait pas de caméras. C'est énorme, le marathon. Et ils se sont rendus compte avec des témoignages, etc., quelques années plus tard. Oh, les c'est ouf.

sont avec vous tous les soirs, tous les jours, toute l'année. De 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Salut Guillaume, hier j'ai été voir le nouveau film de Valérie Le Mercier. À un moment donné, dans le film, elle écoute la radio et on vous entend. Mais non, je vous kiffe, continue les gars. Ah, c'est rigolo ça. C'est Marie-Francine. Et pareil, Guillaume Canet dans le film Rock'n'Roll, il se cherche sur YouTube et il tombe sur une vidéo. Il fait ça, je l'ai vu. Ah, tu l'as vu? Ah, ça, je l'ai vu dans la salle. Il faudrait qu'on le retrouve ces moments. Et on se fasse une spéciale YouTube, une vidéo nous sur notre chaîne où on monte tous les fois, on les passe au cinéma par la France. C'est drôle. Pas par nous-mêmes. Là, voilà, pas encore, mais bon, on fera Alibi 12. Un peu que. Attends, oui, juste, on est avec Fabien Licard, et on parlait, qui est mentaliste, et on parlait juste avant des plus grosses triches. Il y avait juste une dernière que j'ai pas lue, mais qui est quand même extraordinaire. C'est en 2011, c'est un mec qui a participé en Angleterre à Qui veut gagner des millions. Ouais. Et en fait, il a perdu tous ses jokers à la quatrième question. Le mec, il s'est chié dès le début. Ah oui. Tu l'as vu, Aude? Ouais, je l'ai vu. Et en fait, il a gagné le million. Ouais. Et là, ils ont regardé la prod 20 000 fois le truc. Oui. Et enfin, t'entends un mec qui tousse une fois ou quatre fois dans toutes les questions. Mais pourquoi il a pas joué ce mec-là? Ça, je comprends pas. Il a pas été pris peut-être. Ultra fort. Ouais, c'est clair. Au casting. Ah, mais moi, j'ai changé. Enfin, tu vois, il avait pas été pris au casting. Mais il a pas été pris. T'imagines la tête, parce que c'est-à-dire qu'il y a vraiment un missile qui est derrière. Le mec est trop fort. Il savait tout. C'est un truc de fou, quoi. Et donc, le mec, il a toussé. Et comme ça, ils ont su. Et il y en a un, ouais, il fallait cadeau. Et en plus, le mec, c'était un militaire. Il a été banni de l'armée, du coup. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Ça a rien à voir. Non, mais pour l'image et tout de l'armée, les mecs, ils représentent la loi et la force, t'imagines un peu. Fabien Licard, qui a une tournée qui se termine vendredi, qui a sorti un livre chez First, où il y a plein de jeux à faire. Tu avais dit que tu pouvais nous faire un truc avec une pièce de monnaie. Ouais, je le fais sur qui? Vas-y, fais-le sur moi. Sur toi? Mais par contre, il faut qu'on soit proche l'un de l'autre, c'est pour ça. Je vais venir à côté de toi. Allez, viens à moi. Ça va être bon, ça. Non, mais je vous dis pourquoi je veux le faire. D'habitude, je laisse toujours un stagiaire pour l'équipe le faire. T'as peur que je vole la pièce? Non. Oui. C'est bien joué. Mais moi, j'ai du mal à comprendre comment ils font. Bah ouais. Et moi, les magiciens, bon, je crois pas évidemment aux médiums et tout ça, mais les mentalistes, c'est pas un don, c'est un truc que t'as compris. Ah, y a pas de don. Y a pas de don. Tout est explicable et rationnel. Alors, s'il y a un truc sans talent, je peux le faire. Donc, on peut le faire nous alors. Mais bien sûr. Ah, cool. C'est un casque là. Tiens, regarde. Alors, je vais à côté de toi. Très bien. On va se mettre au micro, tiens, tous les deux ici. Comment on va faire? Tiens, j'ai une pièce. Attends, prends un euro, ça se verra. Ah, d'accord, ok, très bien. Et puis ce sera plus petit. Ok. Donc tu me donnes ta pièce de 1 euro. Ok. Qu'est-ce que je fais là? Tu la mets dans une des deux mains et tu tends les bras vers moi. On va faire ça rapidement, trois fois d'affilée. Je la mets, ok, très bien. Tu la tends vers moi et surtout tu bouges plus la tête une fois que tu as les bras tendus. Ok. En fait, il y a un truc qui s'appelle le nose-no, c'est-à-dire le nez-cé. Et là, ne bouge pas du tout. Si on peut prendre une image de toi, on va voir que ton nez, il pointe une seule main, plutôt vers celle-ci. Mais je suis pas encore sûr de moi. Alors si la pièce, elle est ici, tu penses à Voldemort. Si elle est ici, tu penses à Harry Potter. Oui. Harry Potter, Voldemort. Tu vois, là, on a par contre le sourire qui se baisse. Avec le nose-no, je dirais que tu penses à Voldemort et tu vas me rendre ma pièce. Mais c'est une chance sur deux. Ah, des chances sur deux, mais déjà, pour l'instant, moi je verrais plutôt ça comme 100% de réussite. Ouais. Attends, on refait trois fois d'affilée de Je vous explique, j'ai les deux mains tendues devant moi et c'est vrai que mon visage était un peu incliné vers la pièce. Exactement. Mais pense l'inverse. Il t'a retourné. Non, en fait, là où je me mets une balle dans le pied, c'est que je t'explique au fur et à mesure. Ah ouais, c'est pas grave. Non, parce que je vais. C'est ça qui est cool. Ok, on recommence. Vas-y, tu retends les bras. Allez, c'est reparti. Là, on va faire différemment. Alors, tu baisses un petit peu. Si la pièce, elle est dans cette main-là, j'ai besoin que tu penses à la plage en plein soleil. Et si la pièce est ici, tu vas penser à une forêt la nuit. Okay, donc forêt bien. La nuit, plage en plein soleil. Très bien. La nuit, plein soleil. Et alors quand il fait jour, la pupille se rétracte un tout petit peu quand il fait jour. Tu peux me rendre la plage? Mais comment il fait? Mais tu vois, en fait, tu vois les pupilles. Non, attends. Dans le regard. Non, mais t'es balèze. Non, mais j'ai regardé, il bougeait pas les pupilles. Je n'ai pas bougé. Il était stoïque. Mais il est pas en face de toi. Le musée Grévin, le mec. Attends, mais il a pas. En plus, j'ai pas bougé et il va pas nous donner ses vrais trucs. On est d'accord, t'as un autre truc là. Ah, je t'en donne un troisième. Allez, vas-y. Ah, c'est vrai, on refait. Il est généreux. On y retourne. Putain, ça y est. Tu tends les deux bras. Là, déjà, je pourrais t'embêter. Je pourrais te dire si tu as gardé la même main, c'est que t'es un mec de conviction. Si tu changes, c'est bien, c'est que tu sais t'adapter. Et comme ça, t'as un des deux compliments qui te réveille un petit peu. Tiens, baisse un peu les bras, tu les écartes toujours. Oui. Si la pièce est ici, tu vas penser à un gros caleçon bien sale. Et si c'est ici, tu vas penser à un joli string. Mais tu penses à ça sur toi. Ouais, très bien. Ouais. Et là, t'as vu la gêne? T'as vu la gêne du string? Tiens, rends-moi la pièce et le string. Merci beaucoup. C'est ouf! Putain, c'est magique. Alors, par contre, j'ai donné un truc à Flo tout à l'heure, tu te souviens? Oui. Parce que si tu fais un récap, on a quand même Voldemort en string sur la plage. Est-ce que tu peux ouvrir la feuille que je t'ai filée tout à l'heure? Attends. Ce qui va t'agacer, c'est de se demander si il a vraiment fait ce qu'il voulait. Et est-ce que j'ai des vies? Je la montre à la caméra. Non, il faut le dire. Il faut le dire. Il est extrêmement balèze. Non, mais c'est vraiment. C'est un papier que j'avais donné à Flo avant d'arriver. Bravo. Non, il l'a écrit à la main juste avant. Le mec mais est comment fort. Tu fais ça, c'est vrai. Non, c'est vrai. Comment tu peux savoir? Et là où c'est génial, c'est que t'as tout dans le livre. Bam. Il y a le truc des pièces ou pas? Oui, j'en parle de ça. Et je parle de toutes les micro-expressions. Alors je vais les lire, mon gars. Non, parce que ça, moi, j'ai envie d'énerver tout le monde aussi. Cet été, je vais être à la plage, t'as pas une pièce, frère. Et là, ça marche pas. Bah, toi, Voldemort en string. J'ai tout mélangé, là. Le mec, tu veux l'embrouiller, en fait. Je connais rien. C'est impressionnant, bravo. Merci. Non, mais attends, il s'est pas trompé. Trois fois, il m'a montré la bonne même main. Même pour pécho avec une meuf, ça marche, ça. Quoi, tu sois avec... En fait, j'avais un vrai doute sur la troisième, d'ailleurs. Ah, c'est vrai? Ouais, parce que, en fait, c'est rare que quelqu'un maintienne sur les trois coups. Ah, pourquoi? Bah, pour essayer d'embrouiller. Alors, du coup, je m'étais dit, soit il va le maintenir pour essayer de m'avoir, soit il va le mettre dans sa poche arrière de pantalon. Ah, ne faire aucune. Ah, ouais, la fin. Et là, dans ce cas-là. Ah, non, mais moi, il y a des règles, je reste dans les règles. Ouais, je veux pas casser un jeu, c'est pas mon but. Bah, oui. Ah, ouais, j'avoue. Moi, je préfère me dire le mec est fort que le mec. C'est vrai que t'as pas changé de main. Et alors, attends, et comment tu peux savoir si quelqu'un ment ou pas? Vous allez vous voir, Aude et Julien Stagiaire, dans un instant dehors, d'accord? Avec on plaisir. Terminera par ça tout à l'heure à minuit avec Fabien. Vous allez choisir qui ment des deux. Ok. Juste avant, j'ai rencontré, c'est marrant, j'étais en train de lire le livre de Fabien Licard, mais vraiment en plus c'est dans mes bureaux et il y a deux mecs qui sont passés, qui sont venus juste à côté. Est-ce qu'ils peuvent rentrer s'il vous plaît? C'est les French Twins. En fait, ils s'appellent, il y en a un qui s'appelle Tony Jordan. Ça va Tony Jordan? Salut les gars. Salut. Tiens, il y a un casque pour deux ici. Il y a un micro pour six et un casque pour deux. Ça va les frérots? Tiens, mettez-vous à côté de Fabien. Ouais. Prenez le mic deux minutes. Alors vous avez fait, en fait, vous êtes comment? C'est quoi votre métier d'ailleurs? Alors on est magicien. Magicien. Oh là là. Magicien digital. Magicien moderne, on va dire. Magicien digital, c'est 2.0. Donc Guillaume Radio 2.0, il y a les magiciens 2.0. Ils ont 21 ans, Tony et Jordan. Ah, ils sont forts. Vous avez fait La France a un incroyable talent. Je sais pas si vous avez vu chez vous les poteaux. Et en fait, là, vous avez été repéré par America's Got Talent. On dit America's. America's Got Talent. Et vous avez fait 150 millions de vues avec la vidéo. C'est quand même énorme de votre passage. Ouais. Vous faites sortir une meuf d'un écran. Et vous faites. Non mais franchement, c'est un truc de. J'ai un stagiaire, il a essayé la part. Ah, franchement, j'ai il a regardé le film debout, il a mis des coups de poing. Il n'a pas voulu sortir. Il a tout cassé. Sa télé. Et non, c'est hyper impressionnant. On peut parler du Marrakech ou pas du tout? J'en sais rien. De Marrakech pour les vacances, c'est une belle ville. C'est une très belle ville. Non, mais c'est vrai que c'est une super belle ville pour faire des vacances. Et moi, c'est vrai que je suis sponsorisé par le Maroc, vous voyez bien. Ça se voit. Voilà. Bon, alors on parlera pas de ça. Juste un truc, je vous ai croisé par hasard dans la rue, devant mes bureaux. Et le mec essaie de s'en sortir. Bon, et à ce moment-là, ils ont commencé à nous faire des questions, poser des questions pour rigoler avec toute l'équipe. Voilà, et ils ont trouvé la date d'anniversaire de Julien Stagiaire. Vous m'avez niqué, les gars, franchement. Le 16 avril. Bravo. Ah, tu te rappelles? Ils s'en souviennent. 16 avril 67. Alors. N'importe quoi. Non, c'est 16 avril 86. Voilà, exactement. Qu'est-ce que vous pouvez nous faire, les gars, rapidement là? Je sais que vous connaissez Fabien Olicard et je vous ai dit que je recevais Fabien. On m'a dit, on le connaît, viens, on vient 5 minutes, donc on vous invite 5 minutes. Génial, avec plaisir. Qu'est-ce que vous pouvez nous faire? Un truc sympa. Ah, alors vas-y. Vous posez le casque pour. Non, alors il faut qu'on vous entende, enfin gardez-le bien sur l'un ou l'autre si c'est possible. Voilà. Il faut que vous l'enleviez pour ça faire le tour. Le tour. Ouais, c'est mieux. Voilà. Alors enlevez-le, mais donnez-le à quelqu'un pour pas que ça l'arsène. Bon. Voilà, vas-y, tu peux l'enlever. Faut juste pas le mettre près du micro pour pas qu'il l'arsène. Ok, super. Est-ce que tu peux juste prendre ce... Je peux bouger ça. Hein. Alors vas-y, prends le briquet. Cadeau, tu vas faire un tour. Je prends un briquet. Est-ce que tu peux l'allumer, s'il te plaît? Juste allume-le. Avec plaisir. Vas-y. Oh, oh putain, la vache! Le début, il a fait une flamme, il nous a fait sortir. Attends, c'est énorme ça. Alors, là, les gars, il a sorti une flamme et il nous a. T'as fait sortir un jeu de cartes d'un coup là. En fait, c'est quoi? C'est des cartes blanches. Ouais, elles sont blanches parce qu'elles n'ont pas été imprimées encore. On les a chopées chez un imprimeur, on les a piqués discretos. Ouais. Et en fait, ce qui est cool, c'est que sur cette carte, on peut imprimer n'importe quelle carte. Si ça se trouve, chez l'imprimeur, elle est blanche. C'est un 5 de pique. Oui. C'est un valet de cœur, on ne sait pas ce que c'est. On va essayer d'imaginer une carte, n'importe laquelle. Mais bon, c'est con. J'ai un stagiaire. Ouais, mais voilà. Ah, tu veux que je fasse avec moi ? On est à la radio, je pense que c'est mieux si on peut prendre un auditeur. Est-ce qu'on peut d'envoyer leur numéro de téléphone par SMS ? Ah, tu veux qu'on prenne un mec au hasard ? Ouais. D'accord, ah, t'es sûr, au hasard. Même le défi. Putain, alors les mecs sont chauds. Les gars, j'ai besoin d'un mec qui joue le jeu avec nous par téléphone. On est en direct, il y a les deux magiciens qui ont fait 150 millions de vues. American Got Talent, ils sont français, mais ils sont partis là-bas. 06-32-12. Vous envoyez. De quoi ? 6-11-12. Vous envoyez Guillaume un espace, votre numéro de téléphone au 6-11-12 maintenant. Guillaume, votre numéro au 6-11-12. Maintenant, je vous appelle tout de suite. Oh, tu peux mettre quelqu'un ? Ouais. Direct, le premier, attends, le premier qui envoie, tu vois. Ah, c'est bon, je l'ai. Vas-y, vas-y, shoot. Tiens, vas-y. Shoot, tiens, vas-y. Alors, vas-y. Ah, tu choisis toi, numéro ? Ouais, ah, 06. Non, mais tu le connais ou pas ? Attends. Pas le premier. Attends. Si, bah, s'il veut, tu veux le premier, tu veux le deuxième ou juste le premier ? Le premier ? Tiens, vas-y. Alors, vas-y. Attends, je vais te faire le numéro. Celui qui dit moi, s'il te plaît, là ou le. Ouais, ouais, celui-là. Il commence par 06 combien ? 16. 51. Ok, vas-y. Ok, très bien. On peut dire tout le numéro ou... Vas-y, très bien. Ok, et avant ça, regarde, j'ai une carte donc blanche, tu peux me tendre ta main. Hop là, comme ça. Et mets ta main par-dessus. Ça sonne, mais ça. Ouais, super. Elle ne bouge pas. Okay. Ça sonne, les gars. Quand ça répond, vous nous dites. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va ? C'est quoi ton prénom ? Alex. Ça va, Alex ? Ouais, super. Ça va ? Trop contente. C'est vrai, t'es d'où ? Ouais, je suis de Rennes. De Rennes ? Ok, très bien. Ouais. Et tu fais quoi dans la vie, toi, Alex, de Rennes ? Je suis coiffeuse. D'accord, ok. Où ça ? À Rennes, près de la gare. Ok, jolie voix. Ouais, charmant. Ouais. Tu veux dire le nom du salon ou pas ? Ah non, on va pas dire. D'accord, bon, pas tu veux jouer par téléphone ? Alors vas-y. Qu'est-ce qu'on peut faire avec elle ? Simple, on a besoin de toi. J'aimerais que tu imagines un paquet de cartes devant toi. Okay. Tu me dis quand c'est bon ? Ouais, c'est bon. J'aimerais que tu dises le nom d'une carte. La première carte qui te vient à l'esprit maintenant. Tu l'as dit ? Ouais, ça peut être une carte rouge ou une carte noire, n'importe quoi. Une figure ou des points, maintenant. Le 3 de cœur. Ouais. Ok. Le 3 de cœur, très bien. Est-ce que tu veux changer ? Non. Ok. Okay. Ça le met dans la merde, j'ai l'impression. Ils ont fait 150 millions sur la télé américaine et c'est toi qui vas les niquer. Il y a une petite sueur là ici qui est en train de couler. Julien, regarde. Il y a l'écran là. Attends, Julien, c'est-à-dire qu'est-ce que tu tiens dans la main ? J'ai pas compris. Alors, j'ai une carte entre les deux mains. D'accord. Collée, carte blanche, collée, ne bouge pas. Regarde bien cet écran. Voilà, et là il y a une carte qui va s'afficher. Pense au 3 de cœur et regarde cet écran. Je regarde l'écran et pense au 3 de cœur. Imagine envoyer le 3 de cœur à l'écran. 3 de cœur. Ouais. Concentre-toi de plus en plus. Alors je vois beaucoup de cœur, mais pas le 3 de cœur. Il y a que des cœurs, ouais. J'ai l'impression qu'il y a. Et c'est le 3 de cœur qui s'affiche. Putain, c'est pas mal. 3 de cœur qui s'affiche sur l'iPad. Ne bouge pas. Ouais. T'es prêt ? Ouais, vas-y. Vas-y, il lui fait glisser la carte de l'iPad dans la main. Et là, j'ai le 3 de cœur en moi, là, non. Senti quelque chose ou pas ? Non, j'ai rien senti, non. Lève ta main tout doucement. Attends, c'est marrant s'il a. Bouge pas. Attends. 2, lève la main. Vas-y, lève la main doucement, Et c'est le 3 de cœur. Oh, c'est le 3 de cœur. Je peux ça dans les mains depuis tout à l'heure. Putain, vous l'avez fait sortir. Attends, mais tu l'avais regardé, Julien, tout à l'heure, la carte. Non, elle était blanche, elle était vierge. Ah, t'es sûr ? Oui, ils me l'ont mise, je te jure. Avec ton verso, j'ai regardé, tu me connais. Hein. Très bien. Ah putain, ouais, ça, bravo les gars. Attends, quoi, on va aller plus loin que ça. Là, c'est 2.0. Ouais, vas-y. Vous allez aller tous, s'il vous plaît. Sortez tous vos téléphones. Là, sortez tous vos téléphones chez vous, maintenant. Chez vous, ici, maintenant. C'est la folie, là. C'est la folie où tout le monde sort. Fabien Lucard, fais-le aussi. Ah bah tiens. Vous allez tous sur Twitter et vous allez écrire Tony and Jordan. T-O-N-Y. Quelle bande de bâtards. Jordan, J-O-R-D-A-N. Et regardez le dernier tweet qu'on a posté juste avant de venir en bas des studios d'énergie. Ah, mais il y a un vrai truc, regardez. Un vrai truc. Alors attendez deux secondes, les mecs. Tony et Jordan. Tony and Jordan. Tony and Jordan, voilà. Vous avez 1578 followers. Voilà. Ok, donc là, let's go, énergie avec Guillaume Play. Rendez-vous à 22h, les amis. Ça va être la folie. Et c'est le 3 de cœur dans ta bouche. 3 de cœur. 3 de cœur dans la bouche. Mais non. C'est vrai que c'est vrai. C'est vrai que c'est chaud. Bon, c'est assez énervant. Je vous retweet, les mecs. Je vous retweet. Allez, avec plaisir. Bravo. Bon, les gars, avant de terminer, je vous montre un truc. Vas-y. En parlant de Twitter, regardez. Vas-y. Regardez bien ça. On va aller sur Twitter. Oula, je sais pas ce qu'il y a. Ils sont pas mauvais, les garçons. Regardez bien le Twitter. Vas-y, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va fonctionner. Pas besoin de d'être mentaliste. On sait tous que Julien veut une bifle. Merci. Salut au CLG, au collège Pablo Picasso et Gisor. Bon courage, les mecs qui ont brevet dans deux jours. On va montrer un truc, on va aller sur Twitter. Alors vas-y. Regardez bien. Donc là, on va aller sur Twitter. Ouais. Regardez bien Twitter. Ouais, qu'est-ce qu'on fait sur Twitter du coup ? C'est quoi ça, c'est le logo de Twitter ? Ça, c'est le logo de. Ah ! Il a un oiseau dans la main. Mais non, un vrai oiseau. Oh ! C'est pas mal. C'est énorme. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a, Aude ? C'est trop bien. C'est une vraie perruche. Ouais, il a, ah, c'est ça, c'est impressionnant. Il a fait sortir le logo Twitter, il l'a fait basculer. Fais-le, mais moi, c'est rigolo ça. Il a fait transfert le. Attention! Attends, descends ta main. Non, descends. Oh, c'est mignon, une petite perruche. Il a fait sortir un oiseau du téléphone. Ah, c'est rigolo. Et franchement, c'est pas mal. Hein. Attends, il est méchant, l'oiseau. Il va me chier. Il y a des ongles. Non, t'es sûr. Il a des ongles. Ah, bah voilà. On est en direct avec Fabien Licard. Je fais une petite vidéo sur Instagram. C'est génial. Ça, je vous montre. Putain, je suis sur le cul. Et franchement. Et ben, merci les mecs d'être venus. Bravo. Ils ont fait sortir l'oiseau de Twitter et tout. C'est le vrai oiseau Twitter. Trop marrant. Tiens, je vous le redonne. C'est agréable de l'avoir sur le doigt. Ça gratte un peu. Lève ton doigt vers le haut. Attends, vas-y. Attends, non, je le penche, t'inquiète, vas-y. Hop, c'est bon, j'ai compris. Merci les garçons d'être venus. C'est à vous. Et bravo. Eh, bravo. Franchement, bravo. On vous retrouve où les garçons là? Chez nous, dans le 19ème. Ils ont peur. On n'a pas encore d'actualité de spectacle, etc. Mais on est en pleine écriture. Donc s'il y a un producteur qui nous écoute, avec grand plaisir, les gars. Ah, vous cherchez un prod? On est en train d'écrire, donc c'est presque prêt. Très bien. Et ben, si jamais un jour vous avez un spectacle produit, vous revenez nous voir. Ça, je te fais un autographe. Ah, c'est gentil. Ah, il est en train de lui mettre une connerie. Ouais, ça marche pas. demande-leur de deviner le sujet de mon oral de français, s'il te plaît, Guillaume. Ouais, c'est pour deux jours. Qu'est-ce qu'il y a, j'ai à s'agir? Non, il a remarqué, ça marche pas en fait. Ah, d'accord. Okay. Merci, non, mais les gars, tu mets dans tes mains et tu attends un peu. Ah, c'est une blague. Ouais. Non. Ah, merde, moi je joue le jeu en plus. Attends, et toi alors, Fabien, tu pourrais nous faire, toi qui es mentaliste et tout, qui a sorti un livre aux éditions First, tu pourrais nous faire une autre expérience comme t'as fait avec la pièce, c'était très impressionnant il y a 2 minutes. Il est mentaliste et c'est vraiment un truc de ouf. Est-ce qu'il y a un truc qu'on pourrait faire à la radio? Un truc qu'on pourrait faire à la radio? Oui. Oui. Tu veux qu'on fasse avec un auditeur ou avec vous? Non, alors soit, est-ce qu'on peut faire un truc global à tout le monde d'un coup? Est-ce que c'est possible ou ça c'est chaud? Global à tout le monde d'un coup. Un truc collectif, ouais. Genre, tu dis à tout le monde de sortir leurs doigts, de faire un truc. Écoute, bref. Non, faudrait qu'on prenne un mec en particulier. En fait, si on fait à plusieurs personnes en même temps, ça va prendre du temps. C'est surtout à toi là que je suis en train de penser, mais rapide et avec tout le monde en même temps, ça n'existe pas. Alors, je vous propose que Julien Stagiaire et Aude sortent. Ok. Ouais. Il y en a un des deux qui va raconter une histoire vraie et l'autre un mensonge. Et l'autre une histoire. Tu vas les regarder devant toi parler, tu vas essayer de deviner qui est faux et qui est vrai, d'accord? On a l'impression là. Je ne le dirai pas à la radio, comme ça vous tous, vous essayez de jouer avec Fabien, vous essayez de faire les profilers, de deviner. C'est un peu le loup-garou, on l'a fait avec, la semaine dernière avec Nato et Ludovic. Ouais. Et ça avait cartonné, on faisait le jeu de l'arme de crime. Il y en a un qui a un petit pistolet à eau derrière lui, il faut deviner qui est là. C'est énorme. Et vous étiez très nombreux à jouer la semaine dernière. Excitant. On se le fait juste après Luis Fonsi et Justin Bieber. On se fait Despacito pendant que l'oiseau est en train de s'envoler dans le studio. On se retrouve juste après, on est en direct jusqu'à minuit sur Énergie là. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment. Slowly. You fit me, telling me love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Vendámelo, yo sé que estás pensándolo. Llevo pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Ils sont avec vous tous les soirs, tous les jours, toute l'année. De 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, bonne soirée les gars sur Énergie. Avec Fabien Olicard, notre invité, Guillaume Radio 2.0, ce soir jusqu'à minuit pendant 10 bonnes minutes encore. Et puis, il a sorti un livre qui s'appelle Votre cerveau est extraordinaire. 50 astuces de mentalistes qui vont vous changer la vie. Franchement, c'est marrant. Ça nous a fait marrer au bureau, on s'est dit qu'on allait l'inviter. Ouais. Là, j'ai mis une pièce dans ma main gauche et une à droite. Trois fois d'affilée, il a trouvé. Bravo. Pour des raisons plus ou moins vraies, j'imagine. Non mais on est d'accord, le nez c'était vrai, je me dirige un peu. Tu le vois hein, tout manière, le nose-no. Après, le nez qui se dirige vers la bonne main en fait, où il y a la pièce quoi. La rétractation de la pupille, c'est vrai, mais là pour le coup c'est pas ça que j'ai utilisé à ce moment-là. Mais c'est une vraie info. Quel salopard, il ne dit pas le même. Après, si tu veux, mon but c'est toujours que vous puissiez refaire tout ça avec un minimum de travail, et puis moi je me garde le maximum pour moi. Je donne des faux trucs. Toi t'as mis un t-shirt noir, c'est la main droite. T-shirt noir, c'est la main droite. Et non, franchement, c'est hyper rigolo. Voilà, et ça s'appelle Votre cerveau est extraordinaire. Je vous ai mis une vidéo sur notre live Insta, là, Guillaume Play, P-L-E-Y, si vous allez les mater. Vous allez voir même le petit oiseau là, qu'on a fait sortir il y a deux minutes et tout. Merci d'être de plus en plus nombreux. On est 675 872 là ce soir. Alors, on va chacun raconter une phrase et tu vas devoir deviner qui ment. Parce qu'apparemment, tu arrives à savoir qui ment. Il y a combien de menteurs ? Il y a deux personnes qui racontent une histoire et un ou une menteuse. D'accord. Et je peux pas voir la personne. C'est qui ? Si, si, c'est Aude. Ah oui, c'est Aude. Stagiaire. Aude va venir à côté. Ah oui, d'accord. Voilà, ouais, super. Et enfin, apparemment, tu sais, on va prendre une calculatrice. Ouais. Je vais marquer un chiffre et apparemment, tu vas trouver le chiffre. Vous êtes plusieurs, trois personnes même vont marquer un chiffre. Ah ok, très bien. On peut le faire tous les trois. Bien sûr. D'accord. C'est vrai. Ah, il est serein, donc il va y arriver. Et ça, n'importe lequel. Moi franchement, je vous n'importe lequel entre 2 et 3. Le mentaliste en carton. Franchement, c'est du satanisme le truc. Tu sais, c'est clair, ça marche quoi. On va savoir en fait. C'est impressionnant. Alors, Aude, est-ce que tu peux venir dans le studio, ouais, s'il te plaît? On va jouer à ça dans 30 secondes. Et aussi, tu as une technique pour jouer à la roulette au casino. C'est vrai ça. Jeu de hasard. Tu parles de la martingale, oui, on peut en parler, ouais. J'ai une roulette de casino ici. Dans le studio. Est-ce que je peux faire venir une roulette? On essaye de voir. Ça te dit ou pas? Moi, je peux t'expliquer ce qu'est la martingale, mais pour le coup, ça, au contraire, j'essaye plutôt de la démentir, cette martingale. Ah, alors très bien. Alors, attends, on a une roulette de casino, une vraie roulette. On va jouer. On a récupéré. Vous êtes partis trop loin, les mecs. Épaisse 40 kilos, donc on va jouer avec longtemps. Il y a la petite roulette. On va essayer tout ça juste après 30 secondes de pub. Aude et Julien Stagiaire. Ouais. On est là. Chacun et chacune raconter une histoire. Qui ment? Qui dit la vérité? On va le savoir dans 30 secondes. Partez à Los Angeles, assistez à l'avant-première de Valérian et la cité des mille planètes. En présence de Rihanna. This is Rihanna. NRJ, my favorite radio station. Pour jouer, inscrivez-vous vite sur l'appli Énergie ou sur énergie.fr. Et à tout moment de la journée, si on vous appelle en direct, répétez la phrase Énergie. La radio de Rihanna, c'est Énergie. Surtout, retenez-la bien. Cette phrase vous permet de partir à Los Angeles. Assister à l'avant-première mondiale du nouveau film de Luc Besson. En présence de l'équipe du film. C'est à tout moment de la journée. C'est la phrase Énergie. Comme Spider-Man, il a des pouvoirs qu'il ne soupçonnait pas. Comme lui, il a des réflexes, des sensations que les autres n'ont pas. Comme Spider-Man, il sauve des vies. Il, c'est Sam. Et Sam, ça peut être toi. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouve Sam avec Spider-Man au cinéma et sur les réseaux sociaux. Énergie présente la tournée Fizz Experience Series avec au programme du skateboard, du BMX, du wakeboard et du roller. Fizz Experience Series, le sport extrême festival 100% gratuit. Il passera forcément près de chez vous. Reims, Anglette, Le Havre. Toutes les dates et infos sur fizz.fr. Fizz Experience Series, un événement énergie. Hit Music Only. T'as tout essayé. Les sites, les applis ne t'ont rapporté que des galères. Des lapins ? Dispo au 63602. Ne cherche plus et reviens au plus simple. Envoie Dispo, D-I-S-P-O, au 63602 et rencontre des centaines de personnes par SMS pour qui le réel vaut mieux que le virtuel. Dispo au 63602. C'est simple, authentique. Pour enfin trouver l'amour, envoie Dispo au 63602. Dispo au 63602. 50 centimes plus prix du SMS, INRJ. Ils sont avec vous tous les soirs, tous les jours, toute l'année. De 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur NRJ. Allez, 22h à minuit, bonne soirée les gars. Veste. Guillaume Radio 2.0. On est, pour terminer l'émission, on a invité Fabien Olicard qui a fait un livre de mentaliste et tout. Il a fait une chaîne YouTube aussi, il a mis une vidéo par jour pendant un an. C'est des centaines de milliers à le suivre et tout. Et on trouvait ça marrant qu'on essaie de faire des trucs. C'est bien la première fois qu'on me dit que mon cerveau est intelligent, mort de rien. Il y en a un qui dit pareil. C'est qu'il a sorti un livre qui s'appelle Votre cerveau est extraordinaire. Ah, ouais. Ben j'ai réfléchi deux secondes de titre quand même. Hein. Booster sa créativité. Mémoriser un jeu de cartes, connaître tous les jours de l'année. Il y a une astuce pour connaître tous les jours de l'année, genre savoir si le 3 février c'est un mardi, c'est vrai ? Ouais. En fait, le but de ce livre, il couvre 7 domaines. Il couvre le développement de la mémoire, le développement du calcul, comment faire de la bonne lecture non verbale sur les personnes, comment bluffer quelqu'un, comment se faire bluffer par rapport au livre. T'as plein de domaines comme ça différents qui sont mélangés. Ça défonce. Ah ouais. Alors là, Julien, notre stagiaire. Ouais, je suis là. Et Aude. Ouais. Aude, ils vont chacun raconter une histoire. Il faut deviner qui ment, d'accord ? Ils vont te regarder dans les yeux. Ouais. Moi-même, je ne sais pas qui ment, qui dit la vérité. Flo des cadeaux non plus. Non, je ne sais pas du tout. Et Jordan l'apprenti non plus. Aucune idée. Ouais. Personne ne dit, d'accord ? On ferme tous sa gueule. C'est juste celui qui parle et Fabien Olicard qui joue. Et je peux vous demander un truc juste avant de commencer à raconter votre histoire, de commencer par me dire votre nom, votre âge et où vous êtes né, par exemple. Okay. Ça va donner un truc, un référentiel en fait. D'accord. Okay. Alors voilà, très bien. Et je vais juste dire par SMS, je vais vous demander de jouer. C'est rigolo ça. Guillaume un espace et vous dites qui d'après vous dit la vérité ou qui d'après vous ment au 6-11-12. On va faire un sondage sur Twitter pendant 5 minutes là, allez-y. Qui ment d'après vous, Aude ou Julien Stagiaire? C'est parti, c'est on chaud. T'écoute Julien Stagiaire pour ton histoire. Donc moi c'est Julien, 31 ans et je suis né à Mulhouse. Ok. Donc c'est moi, pas grave. Non mais c'est bien, on embrasse, je suis pas de Mulhouse. Mon père habite là-bas encore. Donc moi en fait j'avais 20-21 ans, j'étais parti en vacances avec des potes à la plage. Et il y a un de mes potes en fait, un de mes meilleurs potes qui a failli se noyer. Il était en galère et tout ça, on avait pris un peu l'apéro, c'était pas très bien. Et depuis ce moment-là, en fait, j'ai une sorte de phobie. J'ai peur de la mer, en fait. Donc quand je vais en vacances, je peux aller à la plage, mais je reste sur le sable. La piscine, pour moi, ça me dérange pas. Mais après, je me baigne pas. Parce que j'ai toujours ce souvenir en tête et je vois mon pote en train de partir. Et du coup, j'arrive pas à passer outre, en fait. J'ai un blocage sur ça. Et du coup, il a été sauvé comment ? Il a été sauvé par un mec, en fait, le maître nageur, qui était à côté, on l'a appelé. T'énerve pas. Non, parce que je pense qu'il m'aurait qu'il me croit pas là. Et voilà, du coup, c'était un petit truc, mais c'est moi j'ai eu peur. De raconter une histoire avec ouais, un mec, parce que, en plus, il le regarde avec des petits yeux. Ouais, il posait des questions en mode commissaire, tu vois. En mode fou. Et voilà, après, c'est pas un gros truc, mais sur le moment, en fait, ça m'a fait peur, et du coup, j'ai encore ça en tête. Voilà, merci. Alors maintenant, Aude. Très bien, merci, Julien Stagiaire. Aude, tu peux te présenter et raconter ton histoire. Et dites-nous, il y en a un qui dit direct, Aude ment, elle a même pas parlé. Ah, oh, mais d'accord, ok. Julien Stagiaire, il aurait dû être noyé à sa place. Non, vous êtes des connards, les gars. Respectez-moi. Julien faux, Mordoin, c'est Julien qui ment. Julien, attendez, vous n'avez pas encore entendu Aude. On t'écoute, c'est parti. Aude, à toi. Ok, donc moi je m'appelle Aude, j'ai 18 ans et je suis née à Trappes dans les Yvelines. Donc moi, mon histoire, j'étais partie en vacances avec ma famille. Et une fois arrivée en Grèce, et c'était en Grèce, on a perdu ma valise à l'aéroport. Donc j'avais aucun fringue pour moi pendant 2 semaines. Et du coup, pour me dépanner, en fait, c'était dans un club de vacances. C'est les animateurs qui m'ont donné leurs fringues. Donc pendant 2 semaines, j'étais habillée comme une animatrice de vacances, sauf que j'étais pas animatrice. Et du coup, tout le monde pensait que j'étais dans le club. Donc on venait me voir pour me demander. C'était Géo, quoi. Voilà. Donc on venait me voir, ouais, y a quoi cet après-midi et tout, sauf que moi, j'étais pas Géo. Et du coup, voilà. c'est tout. Alors d'après toi, qui ment et qui dit la vérité? Je le dis déjà moi. Non mais oui, toi ton avis, oui, on veut l'entendre tout de suite. Après on va débattre avec tout le monde. D'après toi, qui ment? Pour moi, mais Julien stagiaire ou Aude? Pour moi c'est Julien, mais je vous dirai pourquoi je dis ça moi. Très bien. Flo des cadeaux d'après toi? Pour moi c'est Julien. Il a, je sais pas, il avait pas l'air franc dans son histoire. Je suis le coupable idéal en fait. Mais attends, à chaque fois on croit que c'est lui et en fait non là. Il s'est énervé en racontant son histoire, c'était un peu chelou. Non parce que c'est un mauvais souvenir que je te parle. Pareil de Barbès. Moi à mon avis c'est Julien stagiaire. Ouais. Ah bah merci. Pourquoi les gars. Ouais bah parce que c'est Julien stagiaire. Merci beaucoup. Jordan Apprenti. Ah Julien stagiaire aussi. Pourquoi? Fabien Olicard est trop fort, je sais pas. En tout cas, ce qui est cool, c'est que si je me trompe, je vais pas sombrer tout seul. Ça, ça fait plaisir. C'est Julien, il stressait trop. Julien ment, c'est sûr. Aude dit la vérité, Teddy. Alors, moi, je veux dire, je pense que c'est Julien, pourquoi? Oh, bah, je veux dire, pourquoi, d'après moi, parce que je suis pas mentaliste, mais t'étais un peu tendu. Tu t'es tendu du string dès que t'as commencé à parler. C'est une histoire qui me casse les couilles. Tu regardais vers le bas. Non, je regardais droit dans les yeux. Et lui, il t'a fixé. Et toi, t'étais en train de. Tu t'évitais son regard. Et de droit. T'étais sec comme un jambon, mon gars. Ah ouais. Tu vois, il te disait ça. Et limite, t'étais agressif. Ah merde. Alors, je sais pas, c'est sûrement pas ça qu'il a. Moi, j'ai trois clés à donner. Alors, vas-y. Alors, attends, déjà, Fabien Olicard pense que Julien Stagiaire a menti, que Aude a dit la vérité. Julien Stagiaire, est-ce que tu as menti? J'ai la vérité là? Oui, vas-y. Ouais, j'ai menti, ouais. Alors, comment tu l'as su? J'ai joué déjà. Comment tu l'as su? Alors, pour le coup, que tu sois tendu ou pas, ça m'intéressait pas parce que je te connais pas assez pour avoir un vrai seuil de référence et me dire, tu vois, est-ce que. Par contre, il y a trois trucs qui étaient importants. Le premier, c'est que par rapport à Aude, tu vérifieras que tu m'as donné aucun détail. Mais aucun c'était pour détail. Aller vite en fait. Non mais même quand tu cherches, tu donnes ces détails inutiles en fait, comme t'as dit, c'était en Grèce et alors pour me t'ébanner, oui parce que on était en Grèce mais c'était un club de vacances. Ouais. Tu vas pourrir ton histoire de plein de détails et ça c'est un signe de vérité que toi t'avais pas. C'était trop factuel, tu vois. Plage. Si un jour vous êtes en garde à vue, écoutez bien. Ça vous j'étais pas là sur ce moment parce que j'avais des Nike à ce jour-là. Des Nike, j'avais pas mis le lancer droit, c'est lui qui vient en 3 mètres. Et les vrais mythomanes sont durs à détecter parce que comme ils s'inventent une vie, ils ont beaucoup de détails justement. D'accord. Tu vois. Le deuxième truc c'est que toi tu me regardait beaucoup, au contraire, il baissait pas trop les yeux. Bah justement. Ça, c'est un signe de mensonge de regarder en face parce qu'on regarde si l'autre gobe son mensonge. C'est une légende urbaine de croire que les gens qui disent la vérité regardent en face. Au contraire, Aude, t'allais à droite, à gauche, tu cherchais dans tes souvenirs pour être assez précise, tu vois. Et donc, le dernier truc, c'est que tu n'as pas eu de cohérence temporelle. C'est-à-dire, si vraiment tu me racontes. Le maître nageur la nuit, j'ai dit de la merde, quoi. D'un pote qui va se noyer, tu vas au moins me dire. Comment c'est arrivé le fait qu'il va se noyer ou comment il a été sauvé. Mais tu vas me donner une clé comme ça. Et là, tu m'as rien donné. Il n'y a pas de clé, quoi. Ouais. Tu m'as dit plage, bourré.